Clodo. Ah bah vas-y, c'est pas grave, hein. Donc bonsoir à tous et à tous, et bienvenue pour ce 83e podcast du collectionneur. Apparemment je suis parti trop vite, voilà. Mais ça Non, faisait non, non, longtemps. mais ça c'est un peu une habitude. Bon. Ça Et donc, faisait longtemps, j'ai entendu Myond. moi, et donc sur le 83, et voilà, Je et donc mute ça y Myond. est, c'est déjà... D'accord. Et c'est déjà la fin de l'année 2020, une année qu'on a tous beaucoup aimée. Et sur le coup, on va faire une petite rétrospective. Alors, avant, une petite pensée, un petit coucou à Buzzdick, comme d'habitude, qui ne sera pas avec nous ce soir. Et qu'on aurait aimé qu'il soit là, mais ce sera pour une autre fois. Mais oui, Buzzdick. On pense fort à toi, copain. Ouais. Et voilà, on va essayer donc de passer la soirée tranquille, à parler des jeux qu'on a aimés. Alors, on ne va pas forcément parler des jeux qui sont sortis cette année, encore une fois. On parle des jeux auxquels on a joué cette année. On a envie de faire un petit shoot-out, comme on dit en anglais. Et pour ceux qui se demandent, je voulais mettre un bonnet de Père Noël, mais j'ai pas de bonnet de Père Noël, donc j'ai mis juste un bonnet. Pas assez de budget. Alors j'essaie de savoir ce que ça représente, mais je vois pas. C'est les personnages de Mar... Par contre, il va falloir acheter des yeux maintenant que tu as une vraie connexion. Et je montrerai mon bonnet en gros plan. Enfin bref. Sur le coup, donc, comme vous pouvez le voir là, ou pas du tout là, j'y ai là parce que c'est là sur mon écran, Pelle a une vraie connexion désormais, donc nous allons pouvoir le voir à temps plein, le comprendre et l'entendre. Je ne suis pas Pelle. D'accord. Ce personnage que nous accueillons ce soir. Cette personne. Bref, profitez-en parce que pour la première fois depuis que le podcast existe, on va pouvoir entendre cette intervention du début à la fin. Ah oui, bon, c'est pas à ce point-là quand même. Quand même. Hein. Alors, on ne tirons pas sur l'ambulance. Bon. Et donc oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir qui est là, tiens, je vais faire comme les vrais streamers, bonsoir Nightlovart, bonsoir Capsilver, bonsoir Monsieur Pull, bonsoir Beurovergien, bonsoir Pull, bonsoir Pulpi, salut, ça va. Et bonsoir Fresh One TV, j'espère que tout le monde va bien. Fresh One, c'est Fresh One. Fresh One, pardon, oh, je dis Fresh One. Et donc, nous allons partir pour, ben voilà. Quelques petites news déjà pour commencer. Ah ouais, je devais faire. Bon, c'est pas. Oui. Non, je me disais, faudrait peut-être faire le ménage. Il y en a beaucoup, voilà, je tiens. Il y en a beaucoup. Alors, on va voir de quoi on va parler. Je sais pas. Peut-être on picore au milieu les trucs les plus intéressants. On va peut-être commencer par, comme a été titré il y a déjà un mois, un peu plus d'un mois, à la fin d'une époque, par Florent Gorche. J'ai envie qu'on parle rapidement de Sega, qui retire ses billes du business de l'arcade, ou enfin plutôt du business des salles d'arcade au Japon. Et donc, sur le coup, ben voilà, toutes les salles emblématiques du Japon de bandes d'arcade sont en train de fermer les unes après les autres. Ça, on le sait, c'est plus trop la fête, accélérée considérablement par la crise du Covid. Et donc, le Japon est en train de tourner une page de son époque, de ces fameux game centers immenses qui vont peu à peu disparaître du paysage, au profit sans doute des jeux vidéo à la maison. Et avec eux, en vrai, c'est-à-dire que si l'arcade au Japon s'arrête, c'est un petit peu l'arcade mondiale qui va s'arrêter, parce qu'aujourd'hui... Ouais. Bah, c'est clair, c'est par eux que ça a commencé, c'est par eux que ça va se terminer au final, et c'est triste quand même, quoi. J'ai l'air, moi, ça m'avait touché déjà quand mes deux salles d'arcade de ma ville avaient fermé. C'est des moments nostalgiques, quoi. Voilà, c'est une échelle plus importante et on se retrouve donc avec Sega Sammy, voilà, qui s'en va. Et également, Florent, j'avais titré à propos du... Voilà, Shinjuku, c'est ça. Une des salles les plus emblématiques de Shinjuku qui ferme aussi. Voilà, c'était la news un peu nostalgique, on va dire, d'une époque qui est en train de passer. Que, alors sur le coup, voilà, pour ceux qui ont la chance de se rendre au Japon avant, ils auront pu voir à quoi ressemblaient ces Game Center. Ceux qui iront après, ce sera peut-être plus le cas. Mais... Il en reste quelques-uns, hein, mais ça ira. C'est vrai. Il y a aussi des petites salles qui sont encore là, mais tenues par des passionnés. On a vu notamment au travers des reportages qu'il a fait, de la série vidéo qu'il a fait au Japon, Florent Gorge, ça s'appelait comment déjà? Ah, je m'en veux. La dernière série vidéo qu'il a sortie sur sa chaîne YouTube, où on voit effectivement qu'il y a aujourd'hui des collectionneurs de bornes d'arcade et qui mettent des bornes à disposition pour que des salles ouvrent, mais de manière tout à fait amateur, enfin tenue par des passionnés. C'est vraiment on va s'éloigner petit à petit des grosses holdings comme ça qui ont des game centers immenses. Ouais. Hein, c'est trop déprimant, vous trouvez? En fait, je les ai jamais connus, mais tu sais, quand on te dit Sega ferme ses salles d'arcade, quand tu t'es un petit peu intéressé à l'histoire du jeu vidéo, ça te fait quand même super bizarre, tu vois. Tu te dis, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est de la vie, mais c'est un peu chaud quand même, quoi. Sans transition, les news comme on les aime. Un nouveau record. Un nouveau record. Ah, putain. Alors, je vous mets l'article pof de la Voix du Nord. Un nouveau record pour une cartouche de Super Mario Bros. 3. Ouais. 9, qui a juste, comment dire, une légère petite différence d'impression, c'est ça? Ouais, en fait, sur les copies, comme moi, toutes les copies que j'ai vues, je sais pas si ça concerne aussi les copies pâles, le mot brosse, il est censé être collé, en fait, au 3. Et là, en fait, il est sur le bras de Mario. Je savais même pas que ça existait. Et donc, ouais, ça a été vendu 156 000 dollars. Putain. Voilà. J'ai vu ça en allant lire les news en fait sur la presse locale. J'ai dit, merde. Pourquoi ils parlent de jeux vidéo? Et voilà. Un poil plus cher que Paprium quand même là, ouais. Voilà. On a donc un nouveau record qui a été établi de la cartouche la plus chère du monde, tout ça avec un léger misprint, donc enfin on est d'accord qu'on continue, on parle évidemment, ça reste du jeu vidéo, ça reste du rétro, mais on parle plus vraiment de personnes qui jouent avec, hein, donc... Ah, en fait, les misprints, c'est rigolo parce qu'il y a des misprints qui intéressent personne. Mm-hmm. Tu as les cartouches Atari, où le nom du jeu est mal mis, genre pole position, c'est pole position, ou pole, j'ai fini par l'appeler pole position en fait. C'est, voilà. Et ces copies valent rien, elles n'ont aucune valeur. C'est juste l'étiquette sur la cartouche qui a été imprimée n'importe comment. Ouais, t'appelles ça des misprints, mais là, est-ce vraiment un misprint, le déplacement du cross après tout? C'est pas... Non, oui, ça fait un peu gros pour un misprint, parce que c'est une série particulière. Est-ce que je... ouais. Bonne question. Je ne sais pas pourquoi Nintendo aurait fait, genre, je sais pas, ils ont lancé les impressions, ils en ont fait un, ils ont fait attends, Jean-Louis, ouais, mais voilà. Donc au final, il y en a 100. Ça se trouve, c'est une maquette qui a fini fait sur une vraie boîte, ils se sont plantés. Ça se trouve, hein, ce genre de conneries, ça peut arriver, je suis sûr. Ouais. Ouais, très probable. Si jamais vous avez ça, ça vaut peut-être de l'argent. Pas autant, parce que celui-là était neuf, évidemment. Oui. Ça me fait toujours penser à la fameuse faute donc sur les boucliers de Casalcoalt. Si jamais vous avez un exemplaire des boucliers de Casalcoalt sur PS1, ouais. C'est bien marqué sur la tranche les boucliers au lieu des boucliers. Voilà, on va les vérifier, ça marche à tous les coups. Mais je savais même pas. Mais oh, ouais, d'accord. Okay. Toujours sur la question, pouf, tiens, celle-ci. Hop, un petit mot sur Sega qui nous montre un prototype de ce qui deviendra plus tard la Nomade. Yep. Qui, entre autres, ils ont sorti, Sega commence, enfin, ça a sorti 2-3 petites choses de leur archive pour montrer un peu aux gens ce qui se passe et ce qui s'est passé dans leur histoire. Et sur le coup, ils ont montré pour la première fois le prototype de la Nomade qu'on n'avait juste jamais vu, dont on ne soupçonnait même pas l'existence jusqu'à maintenant. Qui montre un design qui est plutôt sympathique, moi que j'aime bien, je trouve sympa, peut-être même plus sympa que la Nomade finale, mais bon, ça c'est... Ouais, le cache-écran, je le trouve un peu trop sobre en fait, ouais. Le protège-écran, mais sinon c'est stylé. Hein. J'ai pas vu le fond d'écran de moi, ah voilà, ça en parle dans le chat. On aura l'occasion d'y revenir à mon fond d'écran. Voilà, et donc si vous voulez, vous avez l'article donc, de Nintendo Life pour les petits mots concernant les, ce que c'est. D'ailleurs, soyez attentifs, une petite parenthèse concernant c'est le fait de montrer des archives, sortir des choses comme ça qu'on ne voit pas forcément. Il y a eu un second, donc on en avait parlé, un second très gros leak de Nintendo, et récemment, il y a eu un leak de Capcom avec, avec des menaces de la part des personnes qui ont fait sortir ces informations sur même apparemment des jeux qui ne sont pas encore commercialisés. Alors évidemment, Capcom n'a pas répondu au chantage de la menace. En même temps, comme j'ai dit, quand tu es là, tu fais « Ouais, on a le code source d'un Devil May Cry. Ouais, lequel ? Le 2 !» Capcom, ils ont fait « Ouais, c'est bon, ça va, tout le monde s'en fout. » Et donc, sur le coup, juste un petit mot pour dire que ces récentes affaires ne sont pas anodines et elles ont un effet. J'entendais, donc justement, notamment Florent Grange en parler, c'est que les entreprises japonaises ont eu énormément de mal, ont mis énormément de temps à s'ouvrir au côté archive du jeu vidéo et à accepter que les gens puissent voir ce qu'ils ont fait, donner, mettre à disposition des documents et tout ce genre de choses. Avec ce qui vient de se passer, ils disent, ils ont juste tous backdash de fou et qu'apparemment, on est bon pour revenir en arrière sur cette espèce de travail qui a duré pendant des années, où les historiens de jeux vidéo auraient aimé avoir plus de choses sur ce qui s'est passé en interne. Et là, des sociétés comme Nintendo sont en train de tout verrouiller, puisque justement... Ça a foutu en l'air une bonne dizaine, voire un peu plus d'années en fait, de boulot des historiens du jeu vidéo, qui travaillaient un peu au corps, quoi, qui essayaient d'obtenir des informations et tout... avait réussi à établir des contacts et là ça voilà les entreprises ont complètement fermé quoi. Nintendo avait consenti à montrer quelques trucs et tout et ils ont tout annulé, ils ont dit fini, si c'est pour que ça se passe comme ça, ça nous intéresse plus quoi. Donc voilà, j'ai envie de dire GG. Surtout qu'en plus, ça a un effet aussi, parce que les gens se disent « Ah super, on a les codes sources de jeux, on a les codes sources de consoles, machin et tout. » Il se trouve que personne ne peut les utiliser, en fait. Maintenant qu'ils ont été dévoilés de cette façon-là, personne n'a le droit de les utiliser. Donc en plus, ça sert à rien à personne. Donc c'est... Il n'y a pas quelqu'un qui essaie de recompiler le code source de Devil May Cry 2, non ? J'ai pas vu ça ? Non, qui s'en fout de ce personnage ? Tout le monde s'en fout de ce jeu. Mais si, je pense que quelqu'un a voulu le faire, forcément. Tu as les données, il y a forcément des gens qui ont essayé, ouais, c'est possible. Mais ils ont, pour Capcom, c'est un peu plus grave, parce qu'ils ont quand même aussi leaké leur planning de sortie, donc des trucs qui n'étaient jamais annoncés, quoi. Donc ils ont dû s'en foutre un peu moyen, quand même, Capcom, en vrai. Il y a eu apparemment des infos de potentiellement Street Fighter 6, je crois. Hein, voilà, bon. Hein. C'est de là que ça vient. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Donc, tout ça pour dire que. Qu'il y a pas mal de personnes qui ont relayé ce genre d'infos et. Au moins on les partage et au mieux c'est finalement. Ouais. Même si, évidemment, maintenant qu'elles sont là. Bon. Voilà. Sans transition, tiens, un petit prototype qui a fait surface d'un jeu auquel on rêvait tous de jouer un jour. Castlevania Dreamcast. Ah, pas du tout. Superman sur PlayStation. Ouais, ça fait rêver. Me casse. Voilà. Apparemment, ça a été dumpé. Bon, j'ai pas joué. Alors, j'ai pas joué non plus, je sais pas qui a envie, mais... On se souvient de ce qui s'est passé sur Nintendo 64, de l'incident Nintendo 64. C'est un portage, enfin c'est censé être le même jeu ou pas, d'ailleurs je me suis même pas renseigné. En fait j'ai vu le truc, j'ai juste pas cliqué quoi, j'ai fait c'est bon je me casse. Mais est-ce que c'est censé être... Parce que là le Superman c'est clairement celui qui faisait partie tu sais, de l'univers des adaptations de Batman de Bruce Timm, tu sais, on reconnaît la patte graphique. D'accord. Et déjà le matériau de base il est quand même super classe. Franchement ce Superman là, il a un design de fou quoi. Mais si c'est vraiment l'adaptation du jeu 64, fallait oublier, quoi. Fallait oublier. Donc, sur le coup, c'est rigolo. Encore des jeux qui refont surface cette année, décidément. Ça aurait été une année vraiment riche, je trouve, en jeux qui refont surface. Comme ça, je trouve qu'on en aura eu pas mal, finalement. Ouais. Ok. Et sur le coup, j'ai envie de mentionner, j'ai survolé un peu les news qu'on avait, mais c'est déjà 21h20. Alors, parce qu'on va pas pouvoir ne pas en parler, donc on pense qu'on va, on va devoir clore avec ça, parce que sinon on va passer la soirée dessus. Ouais. Ah oui. L'affaire Paprium. Bah là, je comprends. C'est là, en parler est obligatoire. Oui. Obligatoire. Donc, finalement, surprise insensée. Le site de Watermelon, après des années de silence radio, revient en ligne. Tous les gens qui ont acheté le jeu, backé tout ça, reçoivent un mail en disant « Est-ce que vous pouvez confirmer votre adresse pour qu'on vous envoie le jeu ?» Et les gens, ils font « De quoi ?» C'était quoi ? C'était avant-hier, c'était très ouais, récemment, oui. Ça. Ouais. Il y a 3 jours. Quoi. Mais beaucoup de personnes étaient sceptiques quand même encore, hein. Forcément, il y a un passif. Ah oui. Hein. Mais les gens ont commencé à les recevoir aujourd'hui. Voilà. Et les jeux tournent. Alors voilà, on met la cartouche dans la console, on lance le jeu, et il y a un jeu qui s'affiche, et effectivement, c'est un beat'em all, comme promis, apparemment, il n'y a pas de souci, le jeu existe. Ouais, avec les graphismes tels qu'ils étaient promis, comme tu dis, Lyon. C'est d'ailleurs avec quand même des sprites très très gros. Parce que franchement, le peu qu'on a pu voir pour le moment... je trouve ça vachement encourageant. Après, il faut voir. Hein, mais il faut quand même pas perdre de vue qu'on a droit à un custom ship. Donc, oui. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ouais. Bah, c'est ce que tu disais, Moa. Hein. Ouais. La cartouche, elle est plus que surboostée. Ben, Oui. En fait, ils ont, si j'ai bien compris, ils ont codé leur propre mapper. Hein, donc ceux qui ont suivi l'émission, la dernière émission, maintenant vous savez ce que c'est. Et je vous mets dans le chat le PCB à l'intérieur de la cartouche, côté processeur. Et du coup, après, à partir de là, il y a ça ressemble pas du tout à une cartouche de Mega Drive, quoi. Donc, mais du coup, ça marche. Il y a des features assez surprenantes. Hein. Le Mega CD. Sert de... ça booste un peu la puissance, en fait. Ils s'en servent pour jouer à deux, si je dis pas de conneries, pour le mode multijoueur, pour donner un peu plus de patate à la console. Il y a des features assez surprenantes, quoi. Ça, c'est excellent. Ils avaient déjà utilisé ça pour Pure Solar. Hein. Ils avaient utilisé une compatibilité avec le Mega CD pour profiter des sons qualité CD, alors que la cartouche... sur Mega Drive. Ouais. Donc voilà. Non, la problématique, c'est tout ce qui vient à côté, quoi. C'est le passif du jeu déjà. Enfin, annoncé en 2017, des préco. Et puis, j'ai envie de dire fin 2017, plus aucune nouvelle, mais zéro, rien, que dalle. Apparemment, moi, les plus anciens me disent que j'ai vu, comme Faye par exemple, l'ont précommandé en 2012. Hein. C'est même 2012, parce que, alors oui. Le jeu s'appelait Project N ou Project Y, a été lancé en développement en 2012. Et donc après, on pouvait le financer. C'était pas un Kickstarter, parce que c'était un système à la mort moelleux sur le site de Watermelon. Donc oui, mais le jeu a vraiment été montré, et les précos vraiment en mode « vous pouvez l'acheter », c'était 2017. Et après, plus rien, quoi. Plus rien, jusqu'à il y a 3 jours. Pas plus rien, pas vraiment. On avait quand même des retours qui étaient... pas rassurant, mais bon, ça se trouve, c'était fake. Il y a eu la soirée de lancement en 2018 où il n'y avait pas le jeu. Oui. Enfin, s'il y était, mais en version prototype. Je crois que tu n'avais pas les ennemis qui étaient codés ou un truc comme ça. Ah non, mais ouais, c'est ça. Le personnage jouable et pas d'ennemis en face. Ouais. Voilà, pour une soirée de lancement, quoi. Alors ils ont eu une embrouille avec PayPal, qui est une vraie embrouille, par contre, qu'ils ont vraiment eu. Hein, Derrière, voilà, et puis bon, après, quand tu reçois le mail de la newsletter qui t'explique qu'ils ont un peu augmenté le prix parce que ils ont dû expédier tous les jeux eux-mêmes. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, non ? J'ai envie de dire, déjà, vu que personne l'a eu, je comprends pas ce qu'ils parlent d'expédition de jeu. Enfin, et puis, en fait, oui, tu crées un produit quel qu'il soit. C'est toi qui l'assemble et c'est toi qui l'expédie, et quand tu as déjà pris de l'argent des gens, tu te sers de cet argent là pour... je ne comprends même pas leurs excuses. Le prix du jeu a triplé, hein. Faut le savoir quand même. Ouais. Minimum 129 balles, c'est ça, hein. Ouais, donc parce que je me suis même pas renseigné, quoi. Enfin, il y a du gros foutage de gueule, et derrière ils se permettent de je vais vous mettre le site quand même, hein. Les épileptiques ou les personnes photosensibles, cliquez pas sur le lien. C'est le site pour précommander leur nouveau jeu. ils ont déjà un nouveau jeu en préco où ils te disent en gros on va rien vous dire parce qu'on se concentre sur le développement, donc on dira rien. Mais si vous avez tout en bas, c'est 170 balles aussi le nouveau jeu. Bon, bah. Moi je suis atterré, hein. Attends, à 129€, on me dit dans le chat, t'as pas tous les niveaux. C'est une blague ou c'est vrai? Non. C'est pas possible. Sérieux, Mélo? T'es sérieux, ça? C'est. Ouah, attends, si c'est vrai, c'est. Je me suis pas intéressé à la chose d'assez près pour. Bah, si c'est vrai, c'est un scandale. Mais t'imagines, voilà. Le prix en fonction des niveaux que t'achètes. Mais non, et puis le prix en plus, il se justifie par le prix d'augmenter non, le prix en disant. Non, Mélo, il se fout de nous. Ban. Un clic droit, ban. Le prix il justifie aussi en disant de toute façon, on a bien vu que nos jeux après ils se revendaient entre 2 et 10 fois plus cher sur eBay, donc c'est pas un problème. Ouais, enfin bon, après, bon, on en a beaucoup parlé entre nous, même lors de nos différents lives, je suppose. Mais depuis quand t'as un éditeur qui te vend un truc qui dit achète-le parce que bon, t'inquiète, hein, tu vas pouvoir le revendre, hein. Non, enfin, il dit, ouais, non, c'est même pas ça qu'il dit, c'est même pas ça. Il dit de toute façon, vu qu'il y a des gens qui les achèteront 500 balles, autant que nous le vendons 130 balles. Hein. C'est ce que d'ailleurs, c'est une discussion qu'on avait hier là, sur le prix des PlayStation là, qui valait 1500 balles. Mais voilà, oui. Et ben il y en a, ils ont passé le cap, ils ont passé le cap, ils se sont dit, ouais, on va, bah, bien, vu que les gens ils sont prêts à acheter. Ouais, bah oui, ce sont, ouais, eux, ils sont passés à l'acte. Enfin bref, voilà. Ça y est, je clôt le sujet. Vous vous dites ce que vous voulez sur cette affaire. Il n'y en a rien à en dire. Non, mais je dirais que c'est une nouvelle démarche. Et ce qui est rigolo, c'est que à chaque fois, on est toujours plus surpris que la fois d'avant. Et ils arrivent quand même encore à nous surprendre. Ouais. Voilà. Mais bon, ouais. Après, si les gens reçoivent le jeu, que pour ceux qui ont payé voilà, 30, 40, 50 balles, ils reçoivent le jeu, ils sont contents, c'est un beat'em up sympa, tout est bien qui finit bien. Voilà. Mais aujourd'hui, le type qui revient, tu dis derrière en disant achetez mon nouveau jeu. Bah non, voilà. Ouais. Là, franchement, D'ailleurs, en passage, si tout se passe bien, je devrais le recevoir d'ailleurs le jeu. Donc après, je pourrais y jouer. Ouais. Et s'il est bien, bah, je serai le premier ravi, hein, c'est d'acheter un bon jeu. Ouais. Mais par clairement. Contre, j'achète pas le suivant. Hein. Mais c'est ça que je voulais dire. C'est là où je voulais en venir. Enfin, pour la première partie de ce que tu disais, c'est que moi, je l'ai pas commandé, je l'achèterai pas. Mais j'ai vraiment hâte de savoir à quoi ça ressemble quand même. Quoi. J'ai vraiment envie de savoir bah, bien sûr. Ce que vaut le jeu. Ouais. Clairement, je pense que tout le monde aurait se dit putain, ouais. Le fin mot de l'histoire quand même, quoi, au bout de 8 ans. Bah oui, parce que je le redis, les screens sont assez propres, hein. C'est bien. Je suis un fan de Final Fight et Street of Rage, donc forcément. Ouais. Ah bah ouais, bah moi c'est pareil, c'est un genre qui me parle. Hein. Ouais, après, ouais. C'est ce qu'on disait aussi, c'est que cette année, passé après Streets of Rage 4, non, c'est pas le même hardware, mais. Bon. C'est pas le même hardware, mais ça reste de jeux plus ou moins indés, hein, quand même, hein, voilà. Ouais. Oui, parce qu'il y a des développeurs indés, contrairement à ce que Watermelon prétend, des développeurs indés qui s'en sortent très bien en vendant des jeux à prix raisonnable. Hein. Eh oui. Ok. Juste faire des bons jeux et pas de la merde avec l'argent, quoi, voilà, c'est tout. Je vous propose sur le coup qu'on ferme. On n'avait pas d'autres news en bref, non? On avait d'autres news, mais enfin, c'est déjà bientôt 9h30, donc autant. On n'a pas fait de podcast depuis un mois et demi, donc je pense que autant passer à la suite, parce que sinon on risque de pas passer beaucoup de temps sur nos jeux de l'année, ce qui serait dommage. Ouais. Si. Hop, je peux signaler vite fait la sortie de ça. Hop, je me vois pas. Hop, la sortie de ça chez Manabook, Artbook, Kirby. Oh, je savais. Pour, ça. Ah oui. Pour 25€. Voilà. Qui est sympa. Ah voilà. Oui. C'est une sortie chez Manabook, ceux qui aiment Kirby. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies, Space Culture et tout ça. Ah oui, c'est sympa. Kirby, c'est cool. En fait, c'est un magazine sur quoi? Enfin, c'est un livre qui avec des. C'est un artbook. Ouais, voilà, c'est que les illustrations du petit personnage. Ah, oui. Un vrai artbook, une collection d'artbook. Ouais, c'est cool. Ok. Voilà. Ouais, sur quoi on va pouvoir jump in l'année 2020 et résumer un petit peu. Faire résumer. Voir un petit peu à quoi on a joué cette année et qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, je ne sais pas. Que ce soit... Alors déjà, il faut peut-être mettre la règle, Guillaume. La règle où ben, je veux dire, en fait, que ce soit des jeux de cette année ou pas, en fait, ce qu'on a joué nous-mêmes sur... Oui, d'accord. Donc ouais. Effectivement, c'est des jeux auxquels on a joué cette année et on a envie d'en parler. Et ce n'est pas forcément des jeux sortis cette année. Moi, j'ai dans ma liste des jeux qui ne sont pas forcément sortis cette année, mais que j'ai découvert cette année. Ouais, voilà. Mais forcément, il va y avoir quand même quelques jeux liés à l'actualité. Ouais, ouais. Qui commence Bon, allez, Pelle, profite de ta bonne connexion. Non, c'est bon. C'est pour toujours. Bon, alors Pelle, commence et je vais même te donner le premier jeu avec lequel tu vas commencer, puisque on va en parler tous les deux. On va parler d'un petit jeu Square sorti cette année. Petit jeu Square, oui, effectivement, je l'avais noté. Et c'est pas FF7 Remake. Non. Alors, sinon tu m'aurais inclus dans la discussion. Donc, voilà, c'est quand même un remake aussi. Oui. Voilà, et c'est un jeu que... Alors lui, il est sorti de nulle part, hein, ce remake-là, quand il avait été annoncé. Donc c'est Trial of Mana, le remake de Seiken Densetsu 3. Donc lui, forcément, je l'avais noté, car attention, vous êtes assis, je l'ai terminé. Là, il faudrait des applaudissements. Non mais souvenez-vous, au début de l'émission, il a dit « Je ne suis pas la petite pelle ». Ça se vérifie. Il a une vraie connexion. Il a une vraie connexion. Il a fini un jeu. Justement, il n'a pas de moustache. C'est un nouveau. Non mais monsieur, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de petite pelle? Voilà. Donc, Trial of Mana. Alors, c'est un jeu que j'ai terminé parce qu'en fait, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment. Le remake est très propre. Alors, Square Enix avait quand même commis. Combien de temps auparavant, disons, le remake du Secret of Mana? C'était 2 ans. Non 2 ans, je crois. Ouais. 2 ans. Alors lui, il n'avait pas fait l'unanimité, hein. Clairement. Par un euphémisme, ouais. Euphémisme. Parce que le jeu était vraiment trop faiblard techniquement. Ils n'avaient pas fait d'efforts sur la réalisation, quand même. Et puis, les personnages, ils ne bougeaient même pas la bouche quand ils parlaient. C'était des poupées, en fait. C'était vraiment pas terrible. Alors que là, dans Trial of Mana, eh ben, ils ont fait c'est un remake vraiment super audacieux avec une vraie 3D. Enfin, c'est un remake intelligent, en fait. Un bilan. On a reproché au remake de Secret of Mana, on en avait déjà parlé, il me semble. Déjà, le graphisme, le jeu gardait le même point de vue que l'original, mais avec des graphismes qui étaient juste beaucoup moins attrayants que la 2D de l'époque. Ouais. Le jeu reprenait le gameplay point par point, exactement le gameplay du jeu original, ce qui était non plus pas une bonne idée. Le jeu ne rajoutait pas le moindre contenu, ce que les fans ont rapproché aussi. Et enfin, les jeux, on va le dire comme ça, je suis désolé, massacraient les musiques originales que les gens adoraient. Ah oui, c'est vrai, les remakes, les musiques remix étaient vraiment pourries. Je jouais avec les musiques originales, ouais. Et donc là, dans Trials of Mana, ils ont revu entièrement les graphismes, en changeant le point de vue, en faisant un jeu en vrai 3D, et sur le coup, qui évite la comparaison directe, entre guillemets, avec le jeu original. Ouais, mais quand même, avec un travail très propre. Hein. C'est pas, c'était oui, pas, non, mais c'est, le travail est joli. C'est pas techniquement le jeu du siècle, mais c'est suffisamment correct pour le signaler. Ouais, Ils ont revu la jouabilité et adapté donc un style 3D action beaucoup plus direct et beaucoup plus agréable et beaucoup plus, disons, moderne, entre guillemets. Ouais. Ils ont rajouté du contenu, Aftergame. Oui. Et enfin, ils ont fait des remixes de musique qui se contentent de prendre les musiques d'époque et de rajouter des vraies orchestrations dessus. Ouais, juste fantastiques. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour moi. Mais clairement, ils ont fait un super... Et le gros point, Beyond, mais ça, c'est déjà dans le portage de la trilogie Seiken Densetsu, c'est qu'il y avait une traduction FR, quand même. Et donc, c'était vraiment un super remake, mais clairement. Donc, je veux dire, le jeu est vraiment agréable, les personnages super attachants. C'était un des premiers jeux sur Super NES à l'époque où on passait du jour à la nuit. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça avant. Hein. C'était vraiment impressionnant. Oui. Donc, là, tout a été conservé. C'est pas les mêmes univers, pas les mêmes ennemis jour et nuit, hein, il me semble. Il y a tout un tas de trucs. Oui. Et Cap Silver pourra en témoigner. Il y a une petite chose aussi qui a changé dans le gameplay, c'est que maintenant, on t'indique où aller, à quel personnage parler, et on te laisse pas des fois tourner en rond comme un idiot pendant 57 ans, comme l'original avait tendance à le faire. Les fameux triggers à la Squaresoft, ouais, je... C'est ça. Et tout ça pour dire que pour un platine, vous êtes parti pour bien 45 heures de jeu. Ouais. Sachant qu'il faut finir le jeu trois fois, mais que c'est du NG+, donc on est rapidement pété, hein, il n'y a pas de souci. Et qu'il y a un vrai contenu aftergame avec un vrai donjon, même si c'est reste pas. Enfin voilà, c'est pas. Avec une petite histoire, mais... avec un petit scénario, histoire personnalisée pour chaque personnage quand même. Quoi, c'est... Alors, c'est des évolutions supplémentaires, enfin, il y a, ouais, y a plein de. Ah, vraiment bien. Vraiment, Square a fait du super boulot avec ça. Tu l'avais fait toi, en fait, non, le remake me tente bien. Vraiment, c'est un jeu, je l'ai mis sur ma liste de trucs qui me tentent bien. Mais je voudrais faire l'original avant. J'ai la collection of Mana sur Switch. Donc, faut juste que je trouve le temps de faire déjà l'original. Et je pense qu'après, je ferai le remake. Parce que là, le remake m'a vendu... peut-être pas du rêve, mais je me suis dit, mais ça a l'air sympa ce jeu quand même. Je pense que voilà. Et la manière dont vous en parlez là, ça. Ah. Et Monsieur Chou aussi, hein, si t'avais aimé le jeu d'origine, tu devrais aimer, c'est clair. Ouais, peut-être falloir que j'essaie de m'y mettre, mais en même temps, j'ai 200 000 du jeu à terminer. Je sais pas trop si c'est le moment d'en acheter un 201ème. C'est clair. Le seul souci, oui, c'est bon, il est vendu un peu cher. Je crois que c'était 40-45 qu'il était vendu, tout comme ça. D'accord. C'est plus cher qu'un simple petit. Après, en même temps, je veux dire, Square vient de sortir la saga collection entièrement en anglais à 30 euros sur Switch. Donc, ce compte-là, voilà. En tout cas, pour dire qu'ils se sont largement rattrapés avec cet épisode-là par rapport au presse. Vraiment. En portage. Oui, pour moi, par rapport à. Ils ont lavé la fronde du remake de Secret of Mana, qui nous avait. Ouais. Éminemment, enfin moi surtout, qui m'a vraiment beaucoup déçu. Que ouais. Voilà. Et là, vous pouvez enchaîner. Bah oui. Bah, qui est tout. Vas-y, moi. C'est toi, moi. Moi ? Bah alors, on va partir très loin, on va rester dans du Square, tiens. Bah tant mieux. Voilà. Alors moi, ça va être court parce qu'on en a déjà parlé. Mais je vais parler de ça. Donc Xenogears, que j'ai fait cette année. Ah mais oui. On en avait parlé quand on avait fait la rétrospective 98, hein, mais il faut quand même que j'en parle parce que c'est un de mes jeux marquants de cette année, donc je peux pas passer à côté. Hein. Je dirais simplement que ce jeu, c'est... je sais pas comment dire, c'est un des trucs les plus ambitieux auxquels j'ai jamais joué de ma vie en fait. Je dis pas qu'il réussit par contre tout ce qu'il fait, mais le scénario, il est démentiel. Le scénario, l'histoire de ce jeu... C'est juste démentiel, c'est un truc de malade. Enfin, je veux dire, c'est grandiose, quoi. C'est narré, chaque élément est mis en place et est utile. À une ou deux exceptions près, mais globalement, ce jeu, en termes d'histoire, c'est le summum du RPG, et je parle tout RPG confondu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ah, il est superlatif. Ah ouais, toi, j'y vais en superlatif. Après, dans la narration, donc la manière de raconter l'histoire, on va dire à partir du CD2, je pense que là, ça va diviser. Le jeu devient plus ou moins un visual novel au bout d'un moment parce qu'ils avaient plus de temps pour le finir. Graphiquement, c'est pareil. Il y a la team qui va préférer les décors en 2D avec les persos en 3D façon FF. Là, le jeu, c'est l'inverse. C'est les persos en 2D et les décors en 3D. Dans certains passages, ça rend super bien, et puis il y en a d'autres, ça fait un peu plus bouillie de pixels, mais globalement, c'est plutôt bonnard, et le système de combat est très intéressant aussi. Et surtout, ce qui pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est les musiques. Les musiques de ce jeu sont exceptionnelles, voilà. Moi, c'est la DA, j'adore cette DA type animé années 90, pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau. J'adore le design des dessins animés japonais des années 90. Et Xenogears est complètement dedans. Du coup, j'adore les personnages. Il y a même des séquences animées, hein, façon animé japonais. Il y a aussi de la CGI. Il y a tout. Hein. Il y a toutes les techniques d'animation possibles, imaginables. Elles sont dans ce jeu en fait. C'est voilà. Voilà. Et tu l'avais fait en stream en fait. Et j'avais streamé, je fais un coucou bien sûr à tous les potes du Xenolove Tour, qui si vous streamez Xenogears viendront vous faire coucou, et ils sont très agréables, voilà. Ça a participé aussi au bon souvenir que j'ai du jeu, hein. Le faire avec le Xenolove Tour, c'était vraiment super. Et il y a des robots, jamais de bol, oui. Il y a un système de combat double en fait, à pied et en robot. Donc, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Totalement un jeu pour Ashton, en fait. Je pense un qu'il RPG l'a fait. Et il y a des robots. Ouais, et ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait déjà fait. Sinon, il faut qu'il le fasse. Mais... Si, il l'a fait. Ouais, c'est jeu de la vie. Voilà. J'en dirai je pas dis plus. Rien hein. Parce que si je dis que j'aime, je vais à l'encontre de moi-même. Si je dis que j'aime pas, ils vont pas me donner des jeux à commenter. Là, j'ai des cures, je dis rien. Ah, surtout que maintenant, je fais partie du staff, donc. Non, mais toi, on sait que t'aimes pas les jeux qui racontent des histoires. Donc, forcément, ouais, forcément là, celui-là, c'est mort. Hein. Ouais, faut pas avoir peur des histoires, voilà. Oui. Voilà. Bah, Monsieur Chou, oh oui. l'homme sérieux. Hein, bon, un jeu bien ou un jeu mauvais? Oh bah comme tu veux. Ah, laisse parler deux, ton cœur, Chou. C'est ton moment. Allez, mon cœur. Allez, un jeu que j'ai terminé, malheureusement, en trichant, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Oh, ça me rappelle un truc. Les aventures de Mokhtar. Oh là là. La vache. Je me souviens pas avoir autant gueulé lors d'un live. Parce que c'était même pas genre j'étais énervé. C'était au-delà de ça. Et là, c'est. En fait, tu t'aperçois qu'il y a des jeux, quand ils jouent genre 5 minutes, 10 minutes, tu dis oh, ça va le jeu, bon, ça va. Mais quand ils jouent, les hitbox sont pétés, t'as un boss. J'ai un combat contre un boss que je n'ai jamais pu terminer parce que l'item pour détruire le boss, il n'est jamais apparu. Pourquoi ? T'as un niveau troll avec des phases où tu descends à un endroit, tu ne peux plus remonter parce que l'item qui te permet de remonter, il est dans la descente et tu peux pas terminer le niveau. Il y a eu un boss fight où j'ai été téléporté, genre, pouf, j'ai fait un out of bounds. Je sais pas comment j'ai réussi à revenir, il a fallu c'était en haut d'un immeuble, je réescalade le truc pour me mettre derrière le boss et prendre un objet et voilà, en me collant entre l'hitbox du boss et le mur, mais c'était un calvaire. Mais moi je pensais que le jeu avait été bien réalisé justement quand même malgré ses... Est-ce que tu as un Amiga appel? Ben non, mais je veux dire t'allais en parler, mais les tests ils l'avaient carrément mais encensé le jeu à l'époque. Écoute, quand tu fais les deux premiers niveaux, tu te dis, bon, c'est un peu comme Blues Brothers, en fait, le gameplay. Oui. Quand il joue, tu te dis, là, tiens, tu repères, en fait, pas tout de suite ce qui va pas, parce que les deux, trois premiers niveaux, ils ont été plus ou moins bien faits. T'as des endroits, c'est... En plus, les sauts aussi sont très particuliers, t'as des endroits, t'as des trucs très, très, très stricts à faire. Et Mélo qui dit, la mamie, oui, la grand-mère à la fenêtre, qui te voit passer, qui te tire dessus, tu tombes tout en haut de l'immeuble, puis tu te fais chier, bah, faut tout réescalader. Qu'est-ce qu'il y avait ? Enfin, il y avait pas mal de trucs très, très, très particuliers avec ce jeu. Je l'ai fini. À la base, je voulais terminer aussi les aventures de Carlos, toujours sur Amiga. J'ai pas eu ce plaisir. See you in 2021, les aventures de Carlos. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais non, mais les aventures de Mokhtar, n'y jouais pas. Hein. Si quelqu'un veut y jouer version MS-DOS, c'est aller sur Abandonware France, je vous mets le lien. Ah oui, c'est vrai. Ah. Et donc, le jeu est ressorti un an après, avec sous le titre Titus de Fox. Ghost de Marrakech, un truc comme ça, ouais. Avec l'idée que la mascotte remplace la gaffe, parce qu'apparemment, la gaffe aux États-Unis, il est moins connu qu'ici. Et tu as une version Game Boy de Titus de Fox, avec les mêmes musiques que dans Mokhtar. Ah ouais. Et du coup, là, il garde les mêmes défauts, quoi. Oui, ah bah du coup j'y ai joué parce que la version Game Boy j'ai joué à Titus the Fox sur Game Boy. Je savais pas par contre que c'était d'accord. Si, c'est Mokhtar. Hein. Okay. Ah, ouais. Ah. J'essaie de me souvenir encore qu'est-ce qu'on a eu comme moment absolument incroyable. Enfin bref, c'est. Ah oui, dans le chat, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui m'a sorti le truc en me disant attends, appuie sur telle touche sur le clavier de l'Amiga, tu vas voir. Alors moi je me suis dit, si j'appuie, le jeu reboot ou le jeu le crash, ça va me mettre de travers, donc je n'osais pas appuyer. Puis au bout d'un moment, ça a insisté, puis ça me disait, mais si, en fait, il y a un truc, c'est totalement fait exprès, pour que tu puisses mettre le jeu au ralenti. Genre, t'as des endroits, tu sais que ça va être les enfers, tu mets le jeu à la moitié de la vitesse. D'accord. Je crois que c'est la musique de la Zubida, jamais de bol, je suis pas sûr, mais voilà. Avec quand même les deux, trois premiers niveaux aussi, il faut quand même le mentionner, avec la musique de la Zubida. C'est... Ouais. Faites pas ça. Tu peux. Mais si tu as un Amiga, Pelch, je suis prêt à te copier une disquette et à te l'envoyer. Non, j'ai pas d'Amiga. Merde. C'est pas grave, je te copierai une disquette quand même. Ah oui, aussi. Dernière petite chose, je repense à ça. Ah, oh, punaise. Ah, c'était excellent. En fait, tu arrives à la fin du jeu. Comment dire, tu bats un boss absolument anecdotique. Le jeu charge, tu te dis, bon, il y a encore un niveau. Et en fait, ça charge un écran de fin où tu as en fait un délire avec le scooter doré qui était dans la chanson de la Zoubida, que j'avais totalement oublié. Tu vois l'écran de fin et tu te dis, putain, en fait, j'ai fait tout ça pour ça. J'ai perdu 3 heures de ma vie à gueuler. Oui, j'ai volé son scooter sur le clip. Oui, il y a un délire comme ça, je ne sais plus exactement. Ça me dit quelque chose. Voilà. Voilà. En 2021, surtout, jouez pas à jeu. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ni les autres années d'après. Hein. Oui, exactement. Oui. Merci, moi. Tu lis dans les pensées. Ok. Who's next? Je vais faire un petit double jeu, entre guillemets. L'histoire que je vous racontais, elle est simple. C'est, tout le monde la connaît, c'est Beyond et les Metroidvania. Comme vous le savez, en tant que bon obsédé de Castlevania Symphony of the Night, je suis quelqu'un qui, en gros, aime beaucoup jouer à plein de Metroidvania différents, divers et variés. J'ai joué à pas mal de Metroidvania cette année, comme d'habitude, en mode est-ce que je vais arriver à trouver un nouveau Metroidvania qui me plaît? Et donc, je voudrais parler rapidement, évoquer deux Metroidvania que j'ai beaucoup aimé cette année. D'une part, Ori and the Will of the Wisps, la suite de Ori and the Blind Forest. Même si les débuts ont été très très très très difficiles, puisque je l'ai acheté quand il est sorti, j'ai pris la jolie collector à la fatigue, elle est là, on la voit ? Parce qu'on la voit sur la... On la derrière, voit. On la voit dans elle le fond. Ouais. Elle est là. Oui. Voilà. Et donc sur le coup, je l'ai pris. Mais par contre, j'avais qu'une Xbox One de base, les toutes premières éditions sorties en 2013, tout ça. Et il se trouve que, quand le jeu est sorti, Ori and the Will of the Wisps tournait extrêmement mal sur les Xbox One / One S avec un framerate dégueulasse qui tombait à 20 FPS et des freezes constants. J'ai fait à peu près la moitié du jeu sur la One de base. J'ai arrêté de jouer. Et pourtant, j'adore le jeu. J'ai arrêté. J'ai dit, c'est pas possible, c'est injouable. Et sur le coup, j'ai fait un truc assez insensé. J'ai acheté une One X. Et là, vous allez me dire, t'as acheté une One X pour jouer à un jeu. Alors, pas seulement, il y avait d'autres. Elle était en promo, c'était un lecteur Blu-ray 4K, tout ça. Mais j'avais vraiment aussi espoir de terminer Ori and the Will of the Wisps sur ma One X. Je l'ai terminé sur One X. Alors là, sur le coup, en 4K, 60 FPS, c'était beaucoup plus agréable, même s'il y avait des crashs, ça fait partie de ces jeux qui vous font planter la console un petit peu gratos, tout ça. C'est oublié aujourd'hui, c'est patché, ça a mis du temps, mais tout ça a été patché. Si vous avez l'occasion d'en jouer, Ori and the Will of the Wisps, et comme tu dis, Cap, il a été aussi très bien adapté, la version Switch est super. Les deux Ori sur Switch sont parfaitement jouables, ouais. Alors évidemment, ce n'est pas aussi raffiné graphiquement que sur PC ou sur One X, mais c'est parfaitement jouable, 60 FPS, les jeux sont nickel, ce sont d'excellents portages. Ori, c'est vraiment pour l'instant la paire de Metroidvania parmi ceux que je préfère à l'heure actuelle. C'est très dynamique, il y a suffisamment de challenge pour que le jeu paraisse pas gratuit sans pour autant qu'il soit extrêmement difficile. C'est des jeux que j'aime énormément, qui ont après l'ambiance très mélancolique, le côté très dépressif un petit peu tout le long du jeu, c'est un peu too much, mais voilà. Écoute, tu me l'as rendu en tout cas. Le premier, j'ai trouvé exceptionnel, donc Le deuxième, je suis vraiment la même dynamique. Tout aussi agréable. Et sur le coup, second petit shout-out aussi rapide, à un autre Metroidvania que j'ai joué cette année, mais qui lui est beaucoup plus ancien et que j'ai payé, mais presque rien, moins de 5 balles sur la Switch, qui est Yoku's Island Express. Yoku's Island Express, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un petit bousier qui pousse une boule de flipper et vous vous retrouvez, vous parcourez les niveaux, c'est des espèces de mini flippers, d'endroits où tu as des espèces de flippers où tu dois utiliser la boule du bousier, taper pour l'amener à différents endroits dans des petits flippers pour progresser. C'est Hollow Knight le flipper. Voilà. J'aime pas du tout les flippers dans la vie réelle, c'est quelque chose que j'aime vraiment, mais vraiment pas du tout. Et là, bah, le jeu m'a vachement séduit parce que c'est le cœur du gameplay, mais en même temps, c'est pas non plus des vrais flippers, entre guillemets. La progression est très très agréable. Le jeu est vraiment suffisamment vaste, sans l'être trop non plus. Je crois que ça a dû me prendre peut-être une dizaine d'heures pour le 100%, quelque chose comme ça. D'accord, ça va. Il se trouve très couramment à moins de 5 balles sur Switch. À ce tarif-là, vous ne vous trompez pas. C'est agréable, c'est un super good feel. C'est vraiment un très très bon jeu. Et voilà. Et la BO, voilà, la BO qui est très good feel aussi. Très... Le jeu est très très cool. Très, voilà, c'est très agréable. Et sur le coup, puisque je ne pouvais pas ne pas en parler, je vais aussi également le dire. Je regarde à la caméra. Là, je te regarde à toi qui me regarde. Si tu n'as pas encore acheté Monster Boy and the Cursed Kingdom, il est à 15 balles sur Switch. Il n'a jamais été aussi peu cher. Achète et joue à Monster Boy and the Cursed Kingdom. Voilà. Moi, j'ai acheté. Et sur le coup, je clôt ma parenthèse Metroidvania de cette année. Moi, je l'ai acheté, Monster Boy. Il a l'air trop bien. Il faut que j'y joue. Putain, tellement de jeux. Tu l'as pris en boîte, toi, moi, ou pas ? Non, je l'ai pris en démat, sur PC. Bataillez pas avec la version boîte, la version Switch, ils l'ont dit, la version Switch ne sera plus éditée. Donc, bataillez pas à chercher la version Switch et la payer 100 balles à un revendeur, tout ça, prenez-le en démat, voilà. La version Switch, aujourd'hui, elle est finie, elle est écoulée, les magasins n'en ont plus, et voilà. Dommage ? Terrible. Débattre. Et voilà, bon, sinon bah, on va continuer entre nous parce que Popel n'a pas fini d'autres jeux cette année à part Trials of Mana, ouais. Donc il ne peut pas présenter après, un autre jeu. Non, mais après, il peut très bien parler de jeux qu'il n'a pas terminé. Mais oui. Non, ça c'est pas drôle parce qu'il va l'avoir fait. Et là, ça me rassurerait, ça prouverait que c'est bien lui. C'est, voilà. Le problème, c'est qu'il va dire qu'il sent bien alors qu'il a joué une heure. Oh là là. Et alors il y a des jeux, j'ai plus de 30 heures dessus, et puis moi je les connais quand même. Hein. Je veux dire. Mais vas-y. J'ai trop la pression. Ah, donc je vais quand même citer un petit jeu coup de cœur tout récent. Beyond. Tout récent. Oh. Sans Pellegrino, non, c'est pas un jeu. Ah, non. Ce live n'est pas du tout sponsorisé. Ah oui. Non. Ah, merde, donc on a perdu notre sponsor NordVPN. Ah, merde, je suis déçu. Bon, vas-y, Pelle. Donc oui, je voulais parler de Astro's Playroom, voilà, la démo technique. Ah bah je voulais en parler, bah c'est cool, vas-y. Voilà, bah, on en parle en même temps, bon, vas-y. Ouais, bah vas-y, commence. Ouais, mais je veux dire, tu prends la parole quand tu veux. Ouais. Donc je voulais en parler parce que j'ai absolument, mais sur-kiffé le jeu, et le mot est faible. Mais lève pas les yeux au ciel comme ça. Attends, je vois les caméras. Hein. En plus, il l'a fini, celui-là, c'est sûr. Je l'ai fini, oui, c'est clair. Non, mais j'ai sûr qu'il fait le jeu. La maniabilité, l'univers, tout ce que ça évoque sur l'univers PlayStation, alors évidemment, c'est faut aimer tout ce que PlayStation peut apporter, évidemment. Tous ces... comment est-ce qu'on appelle ça ? Les Easter Eggs, avec les petits personnages qui se mettent en scène... devant des caméras pour rappeler des jeux existants depuis la PlayStation 1, bah tout ça, moi, ça m'a plu. Mais vraiment plu à un niveau complètement fou. Et la bande-son aussi, j'ai adoré la bande-son. J'en avais déjà parlé à moi et puis Bignon, parce qu'on la doit à Kenneth Young, et ce mec-là, en fait, c'est le compositeur des musiques de Media Molecule à la base. Mmh. Et donc, il a fait ça pour Japan Studio. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Je trouve que Sony, avec le petit personnage, ils tiennent vraiment une mascotte, hein. Mais complètement, quoi. Voilà. Le jeu était un prétexte, en fait, à montrer aux joueurs toutes les fonctionnalités que peut apporter la manette, la DualSense, en fait. Comme l'avait fait précédemment, les jeux d'Astro Bot permettaient de découvrir les fonctionnalités des jeux en VR. À chaque fois, c'est les Astro Bot, oui voilà, la DualSense. À chaque fois bordel. C'est fort. Non, mais les jeux avec Astro permettent justement de découvrir un petit peu les fonctionnalités des accessoires PlayStation, et je trouve que les jeux ne déméritent pas. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de génial. Mais là, ce qui m'a surpris, c'est que le jeu, bah, il est gratos, quoi. Et je vais dire un truc méchant, mais donc du coup, pour bon, alors gratos, faut acheter la console. Ouais, mais pour, voilà, ah, avec, bon, avec la console, tu as ce jeu là, et il est vachement bien. Non, mais je veux dire, en face, t'as la Switch, sa démo technique, elle coûte 50 balles hein, de Switch, donc bon, encore, c'est hein, démo, voilà. Et le après, jeu, t'as eu la Series X, et la Series X, ben, il y a rien. Donc, le jeu, il est fini. C'est un jeu qui est sympa, qui est abouti. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, le gameplay et tout, effectivement, j'ai pu voir ce que j'allais aimer avec cette manette et ce que j'allais pas aimer. Bon, bien entendu, en vrai, personne n'utilisera ces fonctionnalités et dans un an, on n'en parle plus, mais c'est pas grave. Mais est-ce que moi, c'est le shot de nostalgie que j'ai pris en fait qui m'a fait vachement plaisir en fait. Toutes les références à l'univers Sony, bah j'ai trouvé ça génial. Même la fin, je dis rien, mais la fin, là, faut vraiment connaître la PlayStation pour comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et j'ai trouvé ça trop bien, enfin vraiment. Voilà. Alors, donc c'est un truc de fanboy, peut-être, ouais. Je t'ai vu bien de ça dans le chat, Beyond. Mais... peut-être, mais ça marche sur les fanboys en tout cas, donc c'est bon. Non, mais je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment, c'était un très bon moment. J'ai adoré, ma fille a adoré, elle a trouvé ça génial. Moi, en tant qu'adulte, sur le coup, j'ai repris le niveau derrière elle pour trouver les choses cachées, parce qu'il y a plein de choses cachées à gauche et à droite. Ouais. Il y a un platine qui est rapide, mais qui demande de faire deux choses qui sont vraiment très sympas, très marrantes. Ouais, c'est rigolo. C'est good feel du début à la fin, c'est pas extrêmement long, mais c'est une super démo technique de ce que peut faire la console. Voilà. Voilà. Moi, j'ai eu un coup de cœur monstrueux. Et tu parlais justement, moi, avec raison, hein, tu sais, des fonctionnalités de la manette qu'on ne retrouvera peut-être pas sur d'autres jeux, c'est possible, même si je ne suis pas si certain que ça, parce que je veux dire, c'est des fonctionnalités qui, tu sais, comme les types de vibrations qui fonctionnent déjà bien sur d'autres jeux, tu sais, comme Demon's Souls et tout ça. Ah, j'ai pas encore testé, ouais. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que ça fonctionne. Moi, j'étais vraiment sceptique. Le premier truc que je fais, moi, quand je lance un jeu vidéo depuis la PS2, c'est que je vais dans Options et je coupe les vibrations. Je n'ai jamais aimé ça. Là, je les ai laissées parce qu'on voyait vraiment les différences quand le personnage marchait dans le sable, dans la neige ou sur la glace. C'est qu'en fait, on n'a pas la sensation, évidemment, du matériau sur lequel il marche, mais on a le ressenti de l'impact de son pas sur le truc. Et ça va incroyablement bien. Mais ça marche extrêmement bien au moment où il se met à pleuvoir dans le jeu et où la pluie s'intensifie, où ça devient de la grêle. Ouais, clairement. Mais c'est fou, quoi. Je veux dire. Mais il y a un truc tout con hein, qui aussi. Parce que sur la Wii, par exemple, ça m'avait gavé. Sur les autres consoles, j'avais coupé tellement ça agressionné. Mais c'est que le son qui vient de la manette, je trouve que là, il était vraiment réussi sur le jeu. Il complétait bien ce qui se passait. Au tout début du jeu où en gros t'as une manette et on te dit voilà ce que la manette PlayStation 5 elle peut faire, et il y a une des démos techniques, c'est ils mettent les petits bonhommes, ils entrent dans la manette en fait, et ensuite tu peux secouer et bah tu les sens bouger dans la manette et t'as le son aussi qui va à gauche ou à droite, et ça celle-là m'a fait vachement rire, je trouvais très rigolo. Mais bon. Mais tu soulèves aussi un truc, je trouve que le design du petit bonhomme, enfin, j'ai un gros cœur pour le truc hein. C'est voilà quoi, enfin, je trouve ça vraiment sympa, et en fait ouais, je serais curieux d'avoir un vrai jeu en fait. Ouais, il y en a déjà eu un vrai jeu hein. C'est pas le PSVR, mais j'espère qu'il y en aura un que pour la manette quoi, un vrai aussi. Ouais, j'aimerais trop. Et le jeu est beaucoup apprécié. Hein. J'ai vu les retours. Il a une moyenne métacritique énorme. Enfin, les joueurs ont vraiment adoré. Bah ouais. Bah après, moi, sur PS4, le problème, Cap Silver, c'est que les jeux, le haut-parleur était dégueulasse et ça braillait et c'était mal branlé, quoi. Enfin, les jeux que j'ai faits. Là, sur PS5, ça marche. Mais bon, après, moi, c'est pas mon jeu de l'année hein, non plus. Hein. Faut pas déconner. Voilà. Je suis sûr que t'as encore une cartouche à nous asséner là. Qui c'est à moi ? Bah non, je suis. À moi ? Ouais. C'est à moi. Ah bah ouais. Attends, on vient de parler pendant 20 minutes là d'Astro Boy, voilà. C'est bon. Ça va être peut-être deux ou trois jeux qui sont dans le même genre. C'est des jeux que j'ai redécouverts cette année. Ouais. Des shoot'em up. La bonne surprise qui était d'un jeu auquel j'ai toujours dit je déteste, qui était R-Type. Ah oui. Et puis en fait, ben c'est vachement bien. Je vais essayer de le terminer avant la fin d'année, histoire quand même de, ben, une fois pour toutes, voir un peu de quoi il en retourne. Mais c'est un jeu auquel je pense que je vais jouer hors stream, histoire de ne ben, pas y jouer forcément, on va dire, avec la pression, mais d'avoir le charme de découvrir le jeu petit à petit, par petits morceaux. En tout cas, j'aimais beaucoup la direction artistique du jeu sans aimer le gameplay. Et parce qu'en fait, le concept du module qui est devant le vaisseau, c'est un concept absolument glucose, voilà, pour reprendre cette expression du sketch des inconnus. Devant ou derrière, hein, tu le déplaces en fait. Hein, comment ? Le module, tu le déplaces, hein, devant ou derrière. Oui. Mais comment dire, j'étais pas vraiment à l'aise avec ce concept. Bon, je le suis. Je ne vais pas dire nettement plus, mais voilà, un tout petit peu plus quand même maintenant, pour avoir pas mal joué au jeu. La version Master System est pas mal. Ouais. Vraiment pas mauvaise. C'est comme ça, en fait, je l'ai découvert, le jeu. Ah, lors d'un vrac, j'ai entendu la version Master System est la meilleure. Hein, c'est ça, ouais. Lors d'un vrac, on m'a dit, joue-y. Je me suis dit, ouais, vas-y, j'aime pas, je vais jouer 2 minutes. Comme ça, voilà, j'aurais testé. Et puis, au bout d'un quart d'heure, j'y joue encore, quoi. Puis après, bon, il y a eu le game over, et voilà. Sur le système, et bien le problème, c'est qu'au bout d'un moment, elle tousse la console. Tu sens qu'elle n'en peut plus avec les sprites qui clignotent dans tous les sens, la pauvre. Mais en fait, je me dis, ça peut être peut-être l'occasion de faire cette version-là en premier, histoire de ne pas avoir en fait la nervosité du jeu arcade, genre quand tu le découvres. Quand tu découvres R-Type, peut-être. Enfin. Sinon, pendant le premier confinement, j'avais racheté Dodonpachi Resurrection. Sur 360, sorti en PAL. Ah ouais. Bah en fait, c'est tout bête. Je m'étais dit, bon, on va le prendre. Puis comme ça, au moins, moi, je ferai peut-être 2-3 sessions où je vais le grinder en stream jusqu'au 1 crédit. En 2 heures, voilà. En 2 heures, je t'avais déjà re-one crédité. Je me souvenais encore de beaucoup de choses. Très bon jeu, en fait, hein, celui-là. C'est pas... Il est quand même, faut quand même avouer, nettement plus facile qu'un Mushi Mesama ou voilà, des autres jeux comme ça. Mais il est vraiment très bien. En plus, je trouve encore 9 sous-blisters à une 40aine d'euros. Donc si, voilà, si vous le voulez. Celui-là, il est accessible facilement. Oui, parce que bon, dans la foulée, j'ai voulu racheter Mushi Mushi Pork. Mmh. Puis quand j'ai vu le prix, non, parce que c'est exclu Jap, 200 balles minimum, ma chère Maryse. Ah oui. Ah maintenant j'ai dit non. Là, faut pas déconner. Un jeu cave. Oui, c'est un cave aussi. Ouais. C'est un shoot 'em up où il y a des gruits dedans, où il y a des cochons. Voilà. Il est très sympa. Je l'avais à une époque et j'ai fait la bêtise de le revendre. Ah, et un autre dernier aussi que bon. Comment choisir en fait un dernier? Un autre aussi où je m'y suis remis de manière semi-sérieuse, ben c'est Radiant Silvergun. Ça fait des années, je dis que j'aime bien le jeu, mais le jeu m'aime pas. ça fait partie de ces jeux-là en fait, où même quand j'y joue en mode le difficulté le plus facile, ben, j'ai du mal. Parce que tu as une idée toutes les 5 secondes, et voilà, et au bout d'un moment, bah, le jeu finit par t'en mettre plein la tronche. Mais voilà, j'ai recommencé à y jouer un peu ces 2-3 derniers mois. Je pense que lui aussi, peut-être essayer de me faire une session de grind, pas vraiment pour fixer un objectif de niveau de jeu, parce que bah, c'est connu, hein, je joue quand même comme une vieille saucisse, c'est un secret pour personne. Mais voilà quoi. Radiant, tu joues en mode arcade ou en mode Saturn? Le mode Saturn a une idée de progression de niveau, c'est ça? Plus tu joues. Oui. En fait, tu peux upgrader en fait tes armes. Elles font plus mal quand tu. Plus, au fur et à mesure que tu les utilises. Mm-hmm. En fait. D'accord. Moi, je trouve sympa dans l'idée que ça rend le jeu plus accessible quand même. Il y a une idée de progression entre guillemets qui t'empêche de prendre le mur quoi. Moi, mon délire ce serait plus de comment dire, d'essayer de réapprendre un peu le jeu, parce que le problème de Radiant Silvergun c'est que je l'ai acheté à une époque où j'avais moins de temps pour jouer, donc un shoot 'em up c'est un jeu dans lequel il faut que tu t'investisses quand même pas mal si tu veux essayer d'y jouer propre, Et quand tu as moins de temps ou tu commences à, voilà, à te désintéresser d'un genre, c'est peut-être pas le moment pour acheter un jeu comme ça, en fait. Donc voilà, je pense que lui, je vais m'y remettre de manière plus ou moins active, que ce soit en live ou voilà, ou dans mon salon tranquille. Surtout que je me suis acheté une petite manette hier, je ne sais pas où je l'ai mise d'ailleurs. Hein. La petite manette qui va bien en fait chez RetroBeat. Ah ouais, elle est bien celle-là, je l'ai. Ouais. Tu l'as ? Ouais. Et t'as celle avec le receveur Saturn. J'ai celle-là, j'ai littéralement USB, celle-là. Voilà. Ah, voilà. Ouais. Hier, je suis allé au magasin, je l'ai vue, je dis ouais, pourquoi pas ? Et je demande à mon pote, genre, c'est une manette neuve ? Il me dit bah ouais. Puis au moment où il me tend la boîte pour regarder, il me fait bah si tu veux, je la fais à 32 euros. Je dis bon, d'accord, j'ai même pas le temps de réfléchir, merci. Hein. T'as déjà pris mon argent. Bon, voilà. Mais ouais, c'est un bon rapport qualité-prix. En plus, c'est un protocole donc 2,4 GHz propriétaire et elles sont hyper réactives. Vraiment, ouais, ouais, c'est super agréable. Bah, pour ce que ça vaut, mais j'ai speedrunné avec à la SGDQ. C'est cette manette-là que j'avais pour faire mon speedrun. Voilà. Et j'étais à 10 secondes de mon world record, donc. enfin, 20 secondes, je sais plus, mais j'ai voilà. Donc, sur mon Pi. Quand on fait ABC Mega Drive, parce que mon Everdrive 4 semaines de retard à l'expédition. Ouais. Mais franchement, elles sont bien. Quoi. J'ai rien à dire. Donc, ouais, Radiant. C'était celle-là, Beyond, où la croix de direction avait... Non, c'était pas celle-là, la croix de direction. Là, moi, le souci que j'avais eu, c'était le bouton C qui restait enfoncé, mais c'était les toutes premières et c'était les bleus transparentes. Ça, c'est l'autre série. C'est les séries qu'ils ont fait après ces coloris-là. Ah, oui, les coloris Skeleton. Ouais. Et paraîtrait-il le problème du bouton C, si tu démontais la manette, tu repositionnais bien le caoutchouc, paraîtrait-il que ça résolvait un peu le problème, mais j'y crois pas trop. Ouais. Donc voilà, des shmups redécouverts cette année. Faut dire aussi que j'ai eu du temps pour jouer. Bon. Ouais, bah ouais. Je vais enquiller sur un... J'en parlerai vite fait parce que moi je connais rien en shmup, mais j'ai fait un shmup, à la grande surprise de Beyond d'ailleurs, qui était venu me voir sur Discord. Non, mais tu joues à un shmup toi ? Cinemora X. Ah oui, il est bien celui-là. Et ouais, j'ai été surpris parce que j'appréciais en fait. Le concept, c'est que... On joue, donc on tire, hein, y a des upgrades de pouvoir et tout, mais la petite astuce, c'est que on peut ralentir le temps. Et enfin, c'est un super pouvoir, hein, et du coup, ça implique en termes de scoring, du coup, faut savoir si on veut ralentir le camp ou pas, enfin, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et, alors, chose à laquelle que j'ai pas vu venir du tout, c'est qu'en plus l'histoire du jeu, elle est sympa. Donc j'ai été surpris. Et vraiment, jeu très sympa, très beau, vraiment beau. La DA, elle est stylée de ouf. C'est un style steampunk. On va avoir des boss vraiment sympas. À un moment, on combat un observatoire, voilà. Et j'ai bien dit, on combat un observatoire. C'est enfin, vraiment, c'était très sympa, voilà. T'aimes bien les shoot'em up avec un peu un concept, moi. Je pense que t'as déjà dû jouer à Giga Wing 1 et 2. Non, non, ça me dit rien. En fait, shoot'em up, je suis inculte. On peut le dire comme ça. Fais-le, parce que c'est un shoot de Capcom. C'est donc un manic. Mais attention, tu as un petit truc sympa, quand tu tapotes le bouton, ça tire. Mais quand tu laisses le bouton enfoncé, tu charges un bouclier qui renvoie en fait toutes les boulettes adverses dans leur tronche. Ah d'accord. Et tu as un aspect tactique pour savoir en fait quand tu dois l'utiliser. Le jeu, il est beau, il est très sympa. Moi, j'aime beaucoup les musiques. Et il est quand même relativement accessible. Si tu as l'occasion, moi, c'est un jeu auquel je joue régulièrement. Bon, tu peux très bien le faire en ému arcade, hein. Mais oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, maintenant que t'en parles, quand on finit le jeu, enfin oui, quand on finit le jeu, ou peut-être avant, je sais pas, mais on débloque plusieurs modes de jeu dans Cinemora X. Et dans un des modes, en fait, on peut changer ce pouvoir de ralentir le temps. On peut carrément, par exemple, il y a un des pouvoirs, ça va être un bouclier réflecteur, donc on peut renvoyer les tirs ennemis, enfin ce genre de choses. Donc il y a en plus des variations de gameplay qui peuvent se débloquer au fur et à mesure du jeu. Donc voilà. Et oui, bah, je note Giga Wing. Tu peux répéter le titre dont tu parlais, Mora, en fait ? Cinemora. Enfin, moi, c'est Cinemora X, parce qu'ils ont sorti un remaster après... il y a 2 ans, je crois. Enfin, il y a... Je sais plus. Il y a pas longtemps. Cinemora. Ce qui est drôle, c'est que c'est un jeu que j'ai juste vu 53 000 fois, genre à moins de 5 balles, et que j'ai jamais acheté. J'avais fait le 1 sur PS3, je crois. Hein. Et... je crois que le premier était sorti sur PS3. Ah oui, mais c'est un jeu à la base de cette génération-là. Hein. Là, c'est juste... le X, c'est juste pour dire que c'est un remaster, en fait. Hein. Je pense pas qu'ils aient rajouté des trucs, en vrai. Et j'avais kiffé, je crois. Il était donné avec les jeux du mois PSN ou un truc comme ça, je sais plus. Ou alors, il était vraiment à un prix ridicule, je l'avais pris. Non, mais il y a une sacrée DA. Ah ouais, la DA est vraiment super intéressante. Hein. Ah. Et il est pas long en plus. Moi, hein. Bon, j'ai réussi à le finir, donc. Dans la même idée que Gigawing, avec l'idée que tu tapotes plus ou moins vite, ça fait des armes différentes dans un bouclier à la fin. Il y a aussi Mars Matrix, mais n'y joue pas, tu vas roter du sang. Ah oui, non, Mars Matrix, non, je confirme, je connais. PS3, c'est rétro. Ouais, PS3, c'est rétro. Bah, ça, alors, les gens, spoiler, 2006, c'était il y a 14 ans, quoi. Je dis juste ça, ouais. Comme ça. Ou... 14 ans. Passer 10 ans, on peut dire que c'est rétro, quoi. On s'en fout. Tout est rétro, allez. Je suis vivant. Ouais, je vais faire un nouveau bigou. Un bigou, parce que je classe par catégorie. Ouais, je vais parler de deux jeux et je vais appeler cette catégorie la catégorie des joueurs contre l'intelligentsia. Donc ça, c'est bien, ça permet de poser les trucs et d'être agréable d'entrée. Ça dénonce. Je vais parler de deux jeux qui ont été relativement balayés du revers de la main par l'intelligentsia à base de ouais, bonne note parce que c'est pas de la merde, mais on s'en fout, c'est nul, ça apporte rien, jeu suivant. Et que les joueurs derrière ont réhabilité, qui ont une particularité, c'est que c'est deux jeux qui ont un métacritique utilisateur plus élevé que le métacritique de la presse. Contrairement à d'autres jeux, comme on verra plus tard, dont on en parlera peut-être, comme Last of Us ou Cyberpunk, là c'est exactement l'inverse qui se passe, à savoir des joueurs qui les ont bien plus plébiscités ou bien plus appréciés que la presse. Et on va parler du premier, donc, qui est le jeu qui justement vient de gagner le Game Awards du prix des joueurs il n'y a pas si longtemps, qui est évidemment le fameux Ghost of Tsushima. Le fantôme de Tsushima. Le fantôme de Tsushiman. Et qui donc le fameux jeu de Sucker Punch, aka. Tiens, en fait, ils ont fait quoi, eux, la dernière fois? C'était il y a longtemps, oui, quand même. Voilà. Et Infamous, hein. Second Son, et ça date. C'est Second Son, enfin, allez, si on voulait être précis, First Light, qui était le petit stand-alone de Second Son, mais ouais, c'est ça. T'as raison, ouais. Et donc, ils ont fait comme la plupart font les studios Sony maintenant, hein, c'est-à-dire qu'ils préparent, ils sont en sous-marin, ils préparent leur jeu, Sony leur accorde des crédits, leur accorde la confiance et le temps de préparer un jeu. Et on a vu Horizon arriver du côté de chez Guerrilla, on a vu le fabuleux nouveau God of War de Santa Monica, et là en fin de génération de cette PlayStation 4, on voit débarquer l'été dernier Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, qu'est-ce que c'est pour en parler? C'est un jeu classique, un TPS monde ouvert avec un petit peu tous les grands traceurs actuels, c'est-à-dire les points d'intérêt sur la carte, les quêtes principales, les quêtes secondaires, les collectibles, qui se distinguent d'une part par le fait qu'on est, non, on n'a pas vraiment de GPS, on n'est pas guidé, on est c'est le vent qui sert de guide dans le jeu. Et ça donne un côté, sur le coup, très épuré, avec une interface très simple, qui ne va pas être envahissante du tout. Au niveau gameplay des combats, on est sur une espèce de, je vais dire en gros mot, mais c'est pas grave, de Sekiro light, entre guillemets, même très light, puisque vous y trompez pas quand même, au début du jeu, le temps d'apprendre comment le jeu fonctionne, ça va arriver de mourir comme des idiots en 2-3 coups, hein, un peu comme dans Sekiro, mais après, ce qu'il y a dans Ghost of Tsushima qui n'a pas lancé Kiro, c'est qu'on finit par avoir des pouvoirs, un armement et des armures tellement pétés qu'en gros, voilà. Ça va vraiment évoluer. Le jeu, plus on avance, plus le jeu, en gros, devient accessible. Et tout ça pour dire donc, que le jeu a gagné le cœur des fans, des gens qui y ont joué. Hein, Pelle, tu penses? Bah, clairement, hein, c'est vrai. Les gens étaient vraiment contents du jeu. Plus pour ce que. Pour lui, enfin, avec sa DA aussi. Enfin, oui. Sa DA qui fait que le jeu est jamais techniquement à se taper le cul par terre, mais on se surprend à s'arrêter par moments en se disant waouh, c'est quand même, c'est joli, c'est beau, le jeu est très charmant par sa direction, pour autant être dément d'un point de vue technique, un peu comme l'était Horizon quoi à l'époque. Oui, qui, voilà, qui ouais. Vraiment c'est un jeu. Ah, c'est ce que je préfère, moi, c'est les belles DA où tu prends le temps de t'arrêter parce que le paysage est beau, plutôt qu'un truc où, bah oui, tu vois les trois poils du cul du personnage, même quand il est à 500 km à l'horizon, mais par contre, il y a, y a des blocs de béton et c'est marrant. Voilà, bon, bah là, on s'en fout. Ouais, c'est même pas préféré, en fait. En réalité, il n'y a que la DA qui compte, en fait. Bah, moi, je pense aussi, ouais. Enfin... Et juste une chose, c'est que les Japonais ont adoré le jeu. Et il n'y a que trois titres dans toute l'histoire au Japon des jeux occidentaux qui ont eu la note de 40 sur 40 dans Famitsu. C'était donc Skyrim. Le deuxième, c'était... je ne me rappelle pas. Je crois que c'était un GTA, mais je ne suis pas sûr. Et le troisième, Ghost of Tsushima. Et je veux dire, c'est pas forcément gagné d'avance, parce qu'on sait très bien que certaines presses japonaises, justement, réfutent l'idée de vouloir adapter leur histoire par des éditeurs occidentaux. Ils l'avaient déjà fait savoir pour les rumeurs d'un Assassin's Creed japonais. Ils disaient non, vous ne touchez pas à ça. Si c'est un jeu japonais, c'est nous qui racontons. Et en fait, Sucker Punch s'occupait du truc. Enfin, de toute façon, ils n'avaient pas leur mot à dire au final. Mais ils l'ont vraiment accepté, ils l'ont adoré. Et ils étaient dans les top charts pendant longtemps. On peut les comprendre, hein, parce que les Japonais, parce que leur culture, elle a quand même vachement morflé de manière générale. Donc, bon. Mais bah voilà. En fait, ce qu'ils ont fait, Sucker Punch, c'est juste bah, ils se sont renseignés sur le sujet, quoi. En fait, c'est que tout le monde devrait faire. Et puis, bah. Fois que tu après, fais ça, sachant que le jeu a été présenté comme une espèce de choix moral permanent entre le code entre guillemets du samouraï et le fait de devenir un fantôme. Alors, semi-spoiler, hein, le jeu vous laisse pas vraiment le choix en vrai. Hein. Alors, clairement, il se déroule comme une histoire qui est quand même prévue relativement sur les rails. C'est globalement ce qui a été reproché d'ailleurs par la presse qui est là en mode tiède, en mode oui, vous voyez, il n'y a rien de nouveau, blablabla. Certes, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui révolutionne le jeu vidéo, mais tout est bien fait, tout est peaufiné, tout est propre. C'est un jeu qui est sorti, on va peut-être en reparler d'ici à la fin de l'émission, c'est un jeu qui est sorti propre, entièrement jouable, dont oui. Personne n'a dit, il y a des bugs énormes. Voilà, à aucun moment, le jeu, il était là, il fonctionnait de A à Z, et les joueurs l'ont vraiment plébiscité. Aujourd'hui, oui. Donc, il est jouable sur PS5 en 60 FPS, voilà quoi, je veux dire, sur le coup... Et justement. En plus, il se trouve pas cher. Voilà. Oui. Voilà. Ouais, non, juste pour dire que, justement, ce que tu soulignes avec l'idée de choix, c'est de vie, hein, de décision que tu prends dans le jeu, c'est un truc que Sucker Punch a toujours fait. Et c'était la base même des Infamous. Ouais, tout à fait. Tu choisissais de devenir soit gentil, soit méchant. Hein. Alors, c'est très manichéen, mais c'était vraiment ce que te propose le jeu. Quoi. Et tous les Infamous te le proposent. Et là, c'est un petit peu ce que refait justement l'éditeur dans Ghost of Tsushima, au final. Mmh. Et après, moi, je n'ai jamais joué à Infamous. Donc c'est vraiment mon premier Sucker Punch. Hein. Je ne connaissais pas du tout la boîte. Je n'ai jamais joué à Infamous avant. Ouais, ah, t'avais pas fait Rocket Robot on Wheels? Si. Oui, d'accord. Ah. Bon, j'ai déjà joué à Sucker Punch, effectivement. J'ai rien dit. vite fait, j'y ai joué cette année. Vite fait, c'est leur premier jeu, hein, Rocket Robot & Wheels, oui. Sur Nintendo 64. C'est un jeu de plateforme, on va dire, dans la lignée des jeux de plateforme de l'époque 64, quoi. Mais réussi, voilà. Sachez-le, le jeu est réussi, vraiment. Et bah, si vous êtes intéressé par la 64 ou les jeux de plateforme en général, bah, jouez-y. Je ne m'étalerai pas trop parce que j'ai prévu pas d'autres jeux, mais vraiment, bah, voilà, c'est un jeu réussi. Et c'est un jeu, Sucker Punch, leur premier. Et Sly Raccoon, c'est eux aussi. Rocket Robot on Wheels. Et Sly Raccoon, ouais. Que j'ai pas fait. Si, j'ai fait le 1. Mais voilà. Et donc, sur le coup, je vais rajouter un second jeu qui est dans cette même catégorie du jeu que la presse a balayé du revers de la mer en mode pas original, dégage. Allez, prends ton 15 sur 20 et casse-toi. Et que les joueurs, aujourd'hui, toutes les notes métacritiques sont supérieures du côté des joueurs. Ouais. Et c'est un jeu qui vient à peine de sortir et qui est relativement passé, genre totalement inaperçu, comme je dis, en mode rien à foutre, au revoir. Je vais parler d'Immortals Phoenix Rising. Ah ouais. Qui vient à peine de sortir, fait par Ubisoft, que tout le monde s'est gentiment dépêché de classer en tant que clone de Breath of the Wild circulier, il n'y a rien à voir. Ah, et... c'est chou, oui, je vois. Et ben, on ne va pas se mentir, si vous jouez que 3 heures, ouais, vous allez franchement avoir cette impression, oui, parce que chez Ubi, ils vont dire que ils ne se sont pas trop emmerdés. Hein. Ils ont pris ce qui marchait de l'autre côté, ils ont dit « Ok, ça, vous voulez des shrines ?» Tu vas avoir des shrines. Vous voulez le pouvoir qui fait attraper la pierre ? Tu vas attraper la pierre. Il n'y a pas de problème. Vous voulez voler comme ça, la planer ? Pas de problème, on te le met aussi. Vous aimez ? Parfait. Toujours pareil, dire aujourd'hui que Ubisoft copie Breath of the Wild, disons qu'il prend les bonnes idées là où elles sont. Exactement comme à l'époque, Breath of the Wild a su prendre l'idée de grimper partout et l'idée d'avoir des tours, entre guillemets, pour révéler des parties de la carte. Ça, ils ont très bien su le prendre à Ubisoft et leur Assassin's Creed avant, sans problème. Donc, tout le monde copie un peu tout le monde, c'est juste que là, oui, c'est peut-être un petit peu grossier sur le début. Ensuite, oui, tu peux clipper Ryudo et mettre ça sur... me jeter en pâture sur Twitter. Donc, sur le coup, il n'y a aucun souci. Donc, sur le coup, le père Astier, on ne peut pas faire taire le père Astier. C'est une des choses qui a été dit aussi concernant l'écriture qui n'était pas bien. Alors, il y a deux choses qui ne vont pas très bien. Déjà, il y a une réplique sur deux qui est en trop de Zeus qui, au bout d'un moment, j'ai envie de lui dire ferme-la. Oui. Et il y a aussi, je vais dire un truc terrible, le doublage d'Astier qui n'est pas fantastique, qui est juste absolument pas convaincu, qui est là en mode je fais une commande et j'en ai un peu rien à branler. Hein. Disons-le clairement. Et il double Zeus, du coup, c'est ça ? Il double Zeus, ouais, oui, c'est ça. Oui, donc c'est ouais, ça. C'est ok, c'est relou, mais par contre, faut pas s'arrêter qu'à ça. Le jeu, ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas que les moments où Zeus parle, ou même Zeus finalement ne parle pas tant que ça, c'est même pas lui le narrateur de l'histoire en vrai. Et surtout le truc, c'est que le jeu finit par s'émanciper donc, de son influence Breath of the Wild et devient un jeu avec une identité propre, avec un jeu notamment qui reprend un système de combat d'Assassin's Creed Odyssey en le rendant encore plus dynamique si c'était possible. Là, on ne parle plus de casser des armes, ni de changer des armes au milieu du combat parce que ça ne va pas, ni de faire des recettes de cuisine. Ça, vous oubliez, vous avez quelque chose de... De toute façon, globalement, donc, soit dans le ton, l'histoire, les graphismes et tout ça, le jeu est quand même vachement ciblé ado, donc forcément très accessible. Pour autant, il y a du challenge caché à gauche et à droite, il y a beaucoup, beaucoup plus de plateformes que dans Breath of the Wild. Et vous êtes parti pour un 100% sur bien, je dirais, 70-80 heures. Ce qui est quand même pas dégueulasse du tout. Et dernier petit détail, parce qu'encore une fois, on parle de jeux qui sortent propres, des jeux qui sortent jouables, tout ça. Le jeu n'est pas exempt de défauts ni de bugs. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez jouer à Immortals Phoenix Rising dans de bonnes conditions de jeu sur Switch, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, One S, One X, Series S, Series X et PC. Et même mieux, vous pouvez avoir votre sauvegarde en temps réel, uploadée sur Internet, et vous pouvez continuer votre jeu sur n'importe quelle plateforme avant de reprendre sur l'autre plateforme que vous voulez. Le cross-save, ça, il faut que tout le monde fasse ça, le parce cross-save. Que... Enfin, c'est tellement bien. Je parle là... Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien jouer sur PC... Donc je joue sur PC, mais je me vois, c'est plus trop le cas maintenant, mais avant quand je prenais le train tous les jours, je continue mon jeu PC sur la Switch, c'est royal quoi, il y avait quelques jeux qui le faisaient mais pas beaucoup, ça faut que tout le monde le fasse, hein. C'est trop bien. Oui. Alors je viens de dire 70-80 heures pour le 100%, hein, j'ai précisé, en ligne droite on parle plutôt de 20-25 heures, mais... Je veux dire que si vous voulez viser le 100%, là, ça va être beaucoup plus cossu. Ça veut dire qu'en gros, on est sur, on est sur la base de d'un demi Assassin's Creed Odyssey qui, lui, par contre, commence à taper les 200 heures pour un 100%. Et là, oui, on n'est plus trop sur du raisonnable, je trouve. Voilà. Combien il coûte Alors, ça, c'est la petite polémique avec Immortals Phoenix Rising. Le jeu est sorti plein tarif et Ubisoft a baissé son prix une semaine après. Donc aujourd'hui, Immortal, c'est trouvable pour 40 balles, quelle que soit la machine. C'est beau, c'est bien. Donc c'est bien pour ceux qui l'achètent maintenant. Ouais. Alors il y en a qui l'ont acheté juste avant, là, qui ont un peu mal au... Mais ça va, ils vont s'en remettre, globalement. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que je suis... Ben, un peu comme j'étais un petit peu déçu du traitement qui a été accordé à Ghost of Tsushima en milieu d'année, je suis un peu déçu du traitement qui a été accordé à Immortals Phoenix Rising dans la presse en mode, tu sais, hop, à dégager. Alors que finalement, ben, le jeu est propre, agréable, potentiellement intéressant. Parce qu'on a parlé beaucoup de, j'ai parlé beaucoup de Breath of the Wild, pour ceux qui ne veulent pas s'engager, parce que Breath of the Wild, c'est un jeu qui quand même demande un autre investissement en termes de temps. Et en termes surtout d'apprentissage, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe qu'un Immortals Phoenix Rising qui sera beaucoup plus direct, entre guillemets. Et donc tout ça pour dire que moi, c'est un jeu sur lequel je passe un super moment. Bah, voilà. Et lui, il n'aura pas été. Il n'aura pas été GOTY. Non, il n'aura pas été GOTY. Je vais dire un truc, mais c'est que en fait, ce jeu, c'est le premier jeu Ubisoft où j'ai... envie de l'acheter, je l'ai pas encore fait mais je vais le faire c'est sûr, où j'ai envie de l'acheter depuis mais je me souviens même pas en fait Rayman Legends. Ah quand même, ouais. Il n'y a pas eu d'autres jeux Ubisoft qui m'ont fait envie depuis Rayman Legends. Child of Light, si, Child of Light, mais non, quoique non, il est sorti avant Child of Light. Bref, enfin voilà. Ouais, c'est le même moteur, donc ça n'était pas loin. Hein. Mais voilà, le jeu me fait envie. Je comprends, moi, le jeu a l'air vraiment cool, hein. Mais c'est clair, hein, il a l'air vraiment d'avoir plein d'atouts. Enfin, tu les as cités à l'instant, oui. Et ça a l'air bien. Quoi. Mais à aucun moment, effectivement, il ne réinvente la roue. Voilà, et en fait, c'est ça le truc, c'est que. J'aime bien, effectivement, quand un jeu, il sort un truc de nulle part que personne n'a jamais fait. Effectivement, attention. Hein. Mais en fait, moi, je m'en fous que les jeux réinventent la roue ou pas. Tant que je m'amuse, je cherche pas l'originalité spécialement, moi. Si elle est là, tant mieux. C'est vraiment un plus. Mais si elle est pas là, ça m'empêchera jamais de m'amuser. Hein. Mais non, mais clairement, mais justement, c'est étrange cette façon de sanctionner les jeux qui ne se démarquent pas des autres. Je veux dire, mais c'est pas un reproche, en vrai. Je vois ce que tu veux dire. Après, effectivement, quand au bout d'un moment, c'est effectivement 10 fois le même jeu qui ressort, bon, là, oui, au bout d'un moment, moi, je vais juste plus l'acheter, en fait, tu vois. Ce sera pas que je serai mauvais, c'est juste que, bah, bon, au bout d'un moment, je me lasse aussi. Mais pour l'instant, enfin, voilà. Enfin, bref. Mais justement, c'est 10 fois le même jeu, comme tu dis, mais je veux dire, parce que là, c'est clairement un Zelda-like, un billion de. Enfin, Breath of the Wild-like, pourrait dire. Bah, ça a l'air plus dynamique, quand même, hein. Est-ce qu'il y en a eu tant que ça en réalité, des jeux qu'on copiait Breath of the Wild en vrai? Moi, j'en connais pas. Il n'y a pas tellement de jeux qui a osé vraiment directement copier Breath of the Wild. Moi, j'en vois pas d'autres. Ça a quand même l'air plus dynamique en global, je trouve. Oui, c'est beaucoup. Les combats sont beaucoup plus dynamiques. C'est même, on peut foncer en hurlant comme un idiot et en martelant les boutons comme un con. En difficile, ça passe. Quoi. D'accord. C'est ce que je fais depuis 50 heures, moi, comme d'hab. Bref, c'est pour ça que j'ai pas aimé des mots. Bref. Donc, et donc, sur le coup, voilà. Next up. Next. Bah, je crois que c'est à moi. Si tu veux. Bon, je vais être assez bref parce que. Ça aussi, je vais t'accompagner de Beyond. Beyond, tu as la PLV juste derrière toi. Oh mon dieu. Alors là, si vous pensiez que 75 heures c'était beaucoup trop. Voilà, c'est Marie t'accompagne. Petite Marie. Alors, petite Marie. Ah non, mais obligé de parler de Animal Crossing New Horizons quand même. Enfin, jeu de la vie. Donc voilà, alors ouais, c'est difficile d'attaquer sur Animal Crossing parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il apporte finalement par rapport aux autres épisodes? Pas tant que ça, en fait, en réalité, quoi. Enfin, je sais pas comment l'aborder, quoi. Et, Enfin, si, il y a quand même beaucoup de petites nouveautés, en fait, en réalité. Quoi. C'est la façon de pouvoir forger, de modéliser, modeler complètement son île, quand même. Quoi. C'est... Voilà, moi, je ne suis pas d'accord, parce que c'est ce qui est dingue, c'est que à la fois, les nouveautés sont, ont l'air transparentes, et à la fois, elles changent fondamentalement le jeu. Mais c'est un peu ce que je voulais dire quand même. Oui, c'est que, voilà, vas-y. Mais je suis d'accord, vas-y. C'est, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que voilà, ils ont rajouté deux choses qui paraissent anodines comme ça, mais qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire, d'une part, le craft. Oui, le craft. Et d'autre part, le modeling. C'est-à-dire qu'on peut donc crafter des machins pour construire des trucs, et on peut entièrement remodeler son île. Le truc, c'est que ça, c'est caché. C'est le craft, on va vous l'apprendre au fur et à mesure en vous limitant les ressources. Et le modeling, on va vous le donner qu'au bout de quasiment entre 20 et 30 jours de jeu suivant vos performances. C'est-à-dire, oui, vous entendez bien le chat qui trouvait tout à l'heure que c'était long. Là, Animal Crossing va vous demander littéralement d'allumer votre jeu quotidiennement pendant quasiment un mois avant de vous laisser le loisir, notamment, de modifier votre île comme vous en avez envie. Voilà, pour ceux qui trouvaient le tuto de Death Stranding long, vous n'avez rien vu. Mais ce n'est pas pour autant que le jeu est chiant, c'est juste que Animal Crossing, il va à son rythme. Et son rythme, c'est, on te demande de jouer un peu, tu as joué une heure trente, tu as fait ce que tu avais à faire, et là tu dis, mince, j'ai plus rien à faire. Mais non, parce que l'incidence de ce que tu as fait va avoir lieu le lendemain. Et donc, il faut que tu reviennes. Et le jeu t'apprend, en vrai, pendant toute sa phase, donc le premier mois de scénariser, entre guillemets, qu'Animal Crossing, c'est un jeu qui se picore, qui se savoure jour après jour, par session pas forcément extrêmement longue, mais va t'apprendre à allumer ta console tous les jours, petit à petit. Bah, je suis d'accord. On va en parler. Clairement, la philosophie de la série, hein. C'est comme ça depuis le début. Hein. C'est comme tu dis, un jeu qui se picore. C'est-à-dire, tu joues une heure ou deux par jour. Hein. Parce que dès le réveil, tu as envie de savoir quels sont les objets qui sont mis en vente dans les magasins. Ça se renouvelle tous les jours, en fait. Et tu as vraiment envie de participer à tout ça. Ouais, c'est dur à raconter Animal Crossing. Hein. Franchement, c'est difficile. Il y a beaucoup de fausses idées. Certains le prenaient pour un Harvest Moon, pour ce genre de choses, mais ça, c'est dur à dire. Ou certains disent aussi les jeux où il n'y a rien à faire. Et c'est faux. Il y a énormément de choses à faire. C'est pas un jeu qui n'a rien à faire, c'est un jeu dans le sens où c'est pas un jeu qui va vous demander un skill, des aptitudes. C'est pas un jeu non plus qui va définir ses objectifs. C'est-à-dire que si vous vous dites pas, tiens, je vais rembourser le crédit de ma maison, ben vous allez avoir l'impression que ben, le jeu ne vous donne pas de choses à faire. Mais en même temps, il n'y a pas non plus de challenge, parce qu'il n'y a, rien qui va vous demander des aptitudes particulières à la manette. Voilà. C'était le premier jeu que je faisais qui était en temps réel aussi, quand je l'avais découvert sur GameCube. C'est en temps réel, c'est-à-dire que quand il est 21h sur le jeu, il est vraiment 21h dans la nuit. Quoi. Et ça prend en compte vraiment le cycle jour-nuit, les saisons, et tous les événements du calendrier en réalité. Quoi. Le jeu est assez incroyable, clairement. La nouveauté aussi, c'est que là, on peut vraiment partager avec d'autres joueurs aussi, cette fois-ci. On a l'explosion de ce qui a été amorcé dès le début, parce qu'en vrai, dès le début, Animal Crossing était prévu, c'est un grand mot. La première version vraiment jouable en multi, c'est la version DS à l'époque, qu'on pouvait jouer en Wi-Fi, donc ça commence à remonter. Le 3DS, c'est le troisième jeu à l'époque, c'est vraiment il y a longtemps, Wide World. Mais là, maintenant, ça explose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nintendo a fait un système qui est... Alors, comme d'hab, on est chez Nintendo, donc l'idée, c'est quand même que les enfants puissent jouer et d'avoir un système qui est quand même relativement protégé. Donc, on va avoir un système qui est contraignant dans le sens où il faut que vous soyez amis dans votre Switch, puis ensuite ouvrir votre île pour que la personne puisse venir. Si jamais il y a une déconnexion qui a lieu, peu importe la raison, vous allez avoir un gros rollback et le jeu va vous remettre exactement là où vous en étiez avant que la personne arrive. Il y a énormément de protection comme ça, mais finalement, ça paraît chiant pour des gens qui sont habitués à jouer en multi, à des jeux qui sont rapides et clairs. Mais là, c'est vraiment, pour Nintendo, c'est nouveau dans Animal Crossing. Et surtout, le jeu, un peu comme la version DS à l'époque, prévoit vraiment d'être joué comme ça, parce qu'il y a des choses comme, par exemple, toutes les variétés de fruits, vous ne pouvez les avoir qu'en allant les chercher chez d'autres personnes. C'est impossible de les avoir d'une autre manière. Donc, on vous pousse à découvrir, on vous pousse à aller chez les autres, à partager vos ressources, à partager vos plans, à aller voir des puits de, une puits d'étoiles filantes chez quelqu'un qui a lieu pour pouvoir avoir de nouveaux plans. Enfin, c'est et l'autre chose, oui, qui a l'autre chose, c'est que maintenant on a des mises à jour mensuelles qu'on n'avait pas non plus avant. Où donc Nintendo rajoute du contenu tous les mois avec des événements particuliers, des événements uniques qui va tenter de vous surtout de continuer. Après, c'est toujours pareil, c'est que si vous ne trouvez pas d'intérêt au début du jeu, vous n'allez pas en trouver ensuite. Ce n'est pas parce qu'on va vous apporter un nouveau personnage, un nouvel événement où le but, ça va être de crafter d'avoir des nouveaux plans, pour crafter de nouvelles choses, pour avoir de nouvelles décos. Si vous en foutez au début, vous vous en foutrez dans 6 mois et dans 1 an, ça ne marchera jamais sur vous. Si vous n'avez pas envie, par exemple, de pêcher toutes les variétés, de vous lever, je vais dire un truc stupide, de vous lever la nuit pour attraper tous les insectes et pêcher tous les poissons, voilà, c'est un peu ce que demande le jeu, oui. Et ouais, c'est vrai, ça demande des efforts, clairement. C'est l'envie de vivre une vie virtuelle, un petit peu, c'est les Sims de Nintendo, quoi, mais moi je préfère ça. Quoi. Et tu disais aussi, le jeu a une autre particularité, c'est qu'il a énormément de choses cachées. On parlait donc des arbres à pognon, mais on peut parler aussi du croisement des fleurs ou de ce genre de choses, des mécaniques qui sont tout à fait cachées, où les gens théorisent, où on peut avoir des wikis entiers sur Internet pour expliquer comment faire certains trucs dans le jeu, parce que c'est jamais expliqué de manière très explicite. Voilà, et l'idée, c'est vraiment de partager. Et donc, on ne peut pas passer à côté, c'est-à-dire c'est plus qu'un phénomène ce qui s'est passé cette année. C'est-à-dire que d'un côté, l'explosion de la Switch, l'attente des anciens joueurs comme nous d'Animal Crossing qui connaissions déjà la licence, plus le premier confinement. Bah, j'allais le dire, ouais. C'est juste, voilà, ça a été un raz-de-marée insensé. Et vraiment, est-ce que le jeu mérite je vais dire, enfin, moi, je vais dire oui, il mérite. Enfin, Nintendo a sorti pareil, on parlait de stabilité de jeu encore une fois. Animal Crossing, il est parfait depuis le premier jour. Hein, le jeu, il bouge pas, jamais. J'ai 400 heures dessus, je connais des gens qui ont plus de 1000 heures dessus, le jeu n'a jamais planté une fois. Jamais. C'est, voilà, c'est ça, c'est un jeu Nintendo, j'ai envie de dire. Et c'est pas fini, parce que le jeu, il est sorti en mars ou avril, je me rappelle plus. Fin mars. Mars. Ouais, voilà. Et donc là, on découvre l'hiver. Hein. Il y a la neige qui est arrivée cette semaine dans le jeu. Et tu te dis, qu'est-ce que ça va être l'année suivante? Parce que forcément, on va continuer à y jouer. Quoi. Enfin, et j'avais discuté de ça justement avec Pulpy. Hein. C'est que je me dis, le jeu, il est tellement complet. Mais vraiment complet. C'est avec le craft, tout. Quoi. Là, il y a tellement tout. Je me demande vraiment ce que pourra devenir la série future. En fait. Parce que là, il y a vraiment tout. On en avait discuté, moi, aussi. Voilà, on va voir. C'est le même sentiment qu'on a avec Smash Bros. Aujourd'hui. Hein. Ils vont avoir une vraie ergonomie, peut-être. Hein, parce que, moi, de ce que j'ai vu, quand même... Ah non, c'est super maniable, quoi. Je parle d'ergonomie. Hein. Si tu veux crafter 10 trucs, faut que tu craftes 10 fois un truc, ce genre de conneries. Enfin... Oui. Il y a quand même des trucs à jouer, à manger de pied. Hein. C'est compliqué à expliquer. C'est le feeling d'Animal Crossing. C'est-à-dire que les joueurs, les vieux comme nous d'Animal Crossing, on va te dire... Waouh, mais c'est vachement plus agréable que les autres versions. Ah ouais, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il va voir ça, il va dire mais vous êtes pas bien. Voilà. Ouais. Alors si c'est que ça, moi en réalité ça justifie pas un nouvel épisode. Hein. Non, c'est vrai. Mais devoir pêcher devoir déterrer les palourdes une par une au bord de la plage et fabriquer un par heure les appâts pour pouvoir pêcher les poissons à certains endroits. C'est même pas laborieux, c'est au-delà de ça. Hein. C'est une profession de foi, quand même. Enfin, bref, j'y suis retourné depuis peu, là, parce que j'ai une connexion Internet. Ouais, non, mais c'est vrai. Et mais j'y joue tous les jours. Tu sais, je fais ma vie quotidienne, comme le demande le jeu. C'est vraiment génial. Voilà. Aléa, il joue tous les jours aussi. Hein. Ouais. Voilà. Un mot, Madame qui drift à côté, non? Ok, pas de mot. Ah bien. Très bien. Tu t'es que sur Instagram? Bon. Suivant. Bah, je veux le retourner et il y a au moins deux jeux dont j'aurais parlé, donc j'ai quand même voilà, je vais parler, j'en ai plusieurs hein, voilà, j'ai sorti tout plein de jeux, mais je vais parler, il faut en parler, c'est obligé. Petit jeu indé, mais suite d'une licence mythique, Streets of Rage 4. Oh ben, c'est marrant parce que j'allais te dire, voilà, moi dans ce que je veux jouer pour la fin d'année, c'est ça parce qu'on me l'a offert et j'avais de toute manière envie de le faire. Wow, c'est... Comment ? Non, c'est cool comme cadeau. Ah bah totalement. Ah, plutôt, je voulais ouais. l'acheter pour le 25 décembre. Je suis saucé. Hein. Ouais, ouais. Je sais pas si. J'hésite si c'est mon jeu préféré de l'année ou pas, Streets of Rage 4, tellement j'ai juste pris mon pied, quoi. Le jeu, j'ai pris mon pied, du début à la fin. Alors, bon, j'ai découvert en plus en multi, donc ça a peut-être. Le bordel ambiant hein, fait que ça a peut-être en plus influé de manière positive. Mais le jeu, c'est exactement ce que j'aime dans un jeu vidéo, quoi. C'est direct. Tu commences, tu tapes sur des trucs. C'est instinctif. Et surtout, il y a la patte Street of Rage, c'est-à-dire ce qui m'a toujours bluffé dans Street of Rage, c'est le feedback des coups. C'est quand tu donnes un coup à un ennemi, tu vois l'ennemi qui a une réaction, qui tremble, t'entends, t'as le bruitage et tout, enfin, il y a tout. Et là, il y a vraiment ça dans le jeu, quoi, en plus des coups spéciaux. Le bruit du coup. Ouais, c'est ça, les longs... Enfin, des vieux bruits, quoi, des vieux films aussi et tout. Enfin, là, il y a ça. Ouais. C'est ça. Et il y a... Si les Bud Spencer non plus. Hein. Non, non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Mais il y a le chara-design est super bien. La DA générale. Il y a quelques petits arrière-plans qui sont un petit peu fainéants, mais finalement, dans le feu d'action, tu ne le vois pas trop. Donc, c'est du bonheur. Ce jeu, c'est du bonheur. Les musiques, on a le choix entre les musiques version rétro ou les nouvelles musiques. Donc, si vous aimiez les musiques rétro, vous pouvez. Alors, c'est pas les musiques rétro, mais c'est vraiment dans le style, vraiment, de ce qu'aurait pu sortir ce Mega Drive, avec certaines reprises aussi. Bizarrement, moi, je préfère la bande-son originale, quoi, vraiment plus moderne, où je trouve qu'elle colle vraiment super bien au jeu, quoi. Et. Enfin, je sais. En plus, la. Les artistes qui ont travaillé sur la bande son, c'est surréaliste, quoi. Il y a une liste longue comme le bras, quoi. Ça va du Yuzo Koshiro à Yoko Shimomura, pour citer les Français, hein, Olivier de Rivière, bien entendu. Enfin, il y en a plein. Je sais pas quoi dire sur ce jeu, à part qu'il est excellent. Jouez-y, alors, c'est tout. Il est long. En beat'em up, il y a quand même pas mal de niveaux. Il est à la fois accessible au noob absolu qui connaît rien au jeu comme à la personne qui veut apprendre strictement comment fonctionne le jeu et faire des super belles choses en maniaque. Ouais. Et vraiment, tout le monde peut y jouer. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'y joue avec ma fille. Comme un speedrunner aujourd'hui, il trouvera son compte. Et ensuite, c'est non seulement un nouveau jeu, mais en plus un vrai hommage aux anciens jeux, puisque, donc, encore une fois, c'est pas du tout spoiler alert, on peut débloquer les personnages des anciens Streets of Rage pour jouer dedans. Ouais. Je tiens. Ils ont tout mis. Il y a tout le fanservice qu'il faut, quoi. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a des mécaniques vraiment modernes, hein. Par exemple, piquer sur. Alors, ça va faire bizarre, mais piquer, c'est peut-être pas sur celui-là, mais en tout cas, il y avait ça dans Bloodborne. C'est-à-dire, quand tu te fais toucher, tu peux reprendre un petit peu ta vie. Quand tu te fais toucher, quand tu utilises un coup spécial, pardon, tu consommes ta barre de vie. Donc, ça, c'était déjà dans les précédents. Mais là, tu peux reprendre un petit peu ta vie en tapant les ennemis. Donc, en gros, le jeu t'encourage vraiment à être agressif, quoi. Vraiment à y aller, quoi. Vraiment franco. Si tu te fais toucher, bien entendu, là, tu perds. Enfin, tu prends la max, quoi. Hein, mais il t'encourage vraiment à utiliser les coups spéciaux, quoi. Donc, Je lis dans le chat, tu dis Streets of Rage 4 est le seul dans sa catégorie. Mais il y a un autre beat'em up qui est sorti cette année. Hein. C'est le nouveau Battletoads. Il y a Battletoads, ouais. Et comment dire que Battletoads à côté a été accueilli, mais vraiment très tièdement. Ah bah, il ne fait pas le cœur. Hein. Et voilà. Comme Yudo, quand tu parlais de la patte graphique, oui, c'est les dessins de Ben Fiquet. Hein. Ouais. Ouais, bah qui avait œuvré sur Wonder Boy, sur Dragon's Trap. Dragon's Trap. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Non, vraiment, la patte en façon dessin animé, c'est vraiment dessin animé, quoi, cartoon. Ça, c'est magnifique, quoi. Donc, moi, des jeux comme ça, j'en mange tous les ans, hein, y a pas de problème. Hein. Et en beat'em up bientôt, là, j'attends avec impatience le retour de Scott Pilgrim, d'ailleurs, hein, parce que j'ai pas pu l'acheter à l'époque. Donc, oui, Scott Pilgrim revient, on va pouvoir y jouer. Je crois que c'est encore j'arrive. En P3. Et petite question sur la polémique entre guillemets Limited Run. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit. Si vous pouvez éviter de donner votre argent à Limited Run pour payer les jeux absolument à la peau du derche et pour qu'après, 15 jours après, on vous explique que vous allez pouvoir le payer 30 balles dans votre petite épicerie du coin, forcément, voilà. L'idée, c'est de jouer au jeu, pas de dépenser un salaire pour montrer, je sais pas, qu'on aime un jeu particulier. Bah, Limited, on a déjà parlé un paquet de fois. Ils font des trucs sympas, mais ils font surtout des trucs qui sont extrêmement chers. Et surtout pour des jeux maintenant, voilà, qui sont disponibles facilement à la première épicerie du coin. On l'a vu avec Dragon's Trap, on le voit maintenant avec Streets of Rage. Ça continue, ça arrive encore ce genre de choses où on a un peu limité d'arriver, on a l'exclusivité. Et juste une fois qu'ils ont fini de vendre leur stock, on explique que finalement le jeu sera disponible partout, mais avec juste une autre boîte. Et un autre détail avec Limited. Sachez que vous n'aurez jamais un jeu à la date où ils disent que ça va être disponible. Voilà. C'est-à-dire que, il y a la crise Covid, tout ce qu'on veut, mais c'était déjà comme ça avant. Juste pour dire que mon Shantae Game Boy Color, il était promis pour le mois d'octobre. On ne sait toujours pas, ils ne répondent pas aux questions, on ne sait pas. Un jour, peut-être. C'est vrai que niveau transparent, ce n'est pas les meilleurs. Hein. Et on nous dit qu'il y avait des pins avec. Bon, je ne savais pas s'il y avait des POG. Par contre, là, on aurait pu discuter. Ouais, non, mais justement, le Dragon Strap, je l'avais acheté chez eux. Et enfin, c'était bizarre. Et c'est pas une. Enfin, voilà, je cautionne pas cette boîte non plus. Moi, pour les raisons que tu as citées, entre autres. Hein, le modèle américain, de la façon dont ils vendent les choses, c'est aussi valable la polémique pour Analog, hein, avec oui, leur côté. C'est la même. C'est la même. Produits limités, tout ça. Voilà. Et Analog pousse le vice beaucoup plus loin. Parce que Analog, c'est pour la PC Engine, là. C'est vraiment, vous pourrez bientôt la précommander dans plusieurs mois, mais attention, ce sera un modèle limité. C'est-à-dire que 6 mois à l'avance, ils te disent, attention, il n'y en aura pas pour tout le monde dans 6 mois. Enfin, On prévoit qu'il n'y en aura pas assez. Calmez-vous, quoi. Enfin, bref. Ok. Et Streets of Rage, il faut y jouer, voilà. Seul coup, qui a envie de parler d'un jeu? Bon, Chou, tu nous as parlé, tu ne veux pas parler de jeu? J'ai pas compris. Chou, vas-y, à toi. Tu veux parler d'un jeu? Ok, bon, non, je voulais dire que vous avez fini, c'est tout. Bon, bah, Street of Rage, moi, de toute façon, vous me l'aviez vendu. J'étais déjà saucé d'avance, donc voilà, ça, c'est un truc que je vais faire. Un jeu, peut-être, qui est un remaster d'un jeu sorti cette année. Le jeu Bob l'éponge, Battle of Bikini Bottom. Ça. Et ben moi c'était une bonne surprise. Oui. J'avais jamais joué au jeu original. Par contre, il y a un truc qui m'a énormément dérangé, c'est je pense qu'ils ont dû refaire le doublage. Oui. Les voix sont pas exactement. On dirait que c'est genre un acteur qui essaie d'imiter la voix de certains personnages. Oh, c'est horrible ça. Ah oui, merde. C'est... Je sais pas si c'est un problème genre de la façon où le mixage a été fait ou si c'est pas les mêmes, mais ça m'a grandement dérangé. Oui, je peux comprendre. Juste pour savoir, c'était un remake qui était sorti dans la génération GameCube, hein, c'est ça? Ouais. Et le jeu GameCube, c'était les voix des personnages du dessin animé. Exactement. Oui, voilà. Alors je sais pas, si ça se trouve, c'est moi qui ai de la merde dans les oreilles, ce qui est très possible, mais... Je pourrais pas dire, j'ai pas fait le remake, mais il avait l'air bien. Hein. C'est bien. Donc je suis assez fan du personnage, alors je devrais voir ça. Ouais. Non. Il est vraiment bien. Moi, perso, je me suis bien amusé avec ce jeu. Et je crois que s'il y a un jeu que j'aime refaire de mon côté pendant les vacances de Noël, ça va être ça. Ouais. Parce que bon, déjà, c'est Bob l'éponge, c'est cool, quoi. Puis bon, voilà, c'est un bon moment. En plus, dans le dernier, j'avais entendu. Comment appelle Ouais, t'avais dit que tu le ferais en stream dernièrement, je me rappelle. Ouais, j'avais dit que je voudrais le refaire en stream, mais le problème, c'est qu'en ce moment, on garde là aujourd'hui 4 lives. Si on compte le podcast, ça fait 4 lives. À ce rythme-là, je crois que le 5e live, ça va être moi qui est en train de dormir, quoi. Ça existe, hein. Stream ça sieste. Existe. J'en ai vu. Ça existe. Non, faut pas déconner, quoi. C'est un live, lavage de brosse à dents dans la salle de bain. Bon, c'est bien, ça dure 2 minutes, et puis après, t'es tranquille. Live ouais, sleep. Voilà. Live sleep. C'est Goris sur Twitch, ça? Non, c'est... Hommage à Boss Dick, live sleep. Non, mais je trouvais ça cool d'avoir ressorti ce jeu Bob l'éponge, quand même, parce que c'est le personnage que j'aimais bien, quoi. Bah, puis en plus, le jeu sort un peu nulle part. Enfin, si tu regardes un peu sur Twitch, il avait déjà une commu dans la version GameCube, des gens qui speedrunnaient. Donc ça, c'est plutôt cool. Puis bah, c'est bien, quoi. C'est un jeu Bob l'éponge. Donc forcément, si le jeu il est à moitié bien et que d'autre côté, toi, t'es très fan, bah, tu vas aimer. Et en fait, j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit un jeu moyen. Puis en fait, c'est voilà, on est sur un jeu assez bon, en fait, on monte quand même d'un cran. Ouais, c'est ce que disait Billon tout à l'heure avec Phoenix Rising, c'est pas un jeu qui invente l'eau chaude. Hein. Ça, c'est efficace, quoi. Clairement. Ouais, mais bon. Voilà. Et c'est à la limite tout ce que tu as envie d'un jeu à licence, quoi. Okay. Donc, il a placé à côté du Simpson Hit and Run, par exemple, qui est là qu'il aimerait bien voir exactement apparaître un jour. Ouais, c'est vrai. Bon, mais en même temps, c'est vrai que... Attention, spécialité de run, moi qui l'ai terminé une bonne vingtaine de fois, les courses de voiture, genre tu fais 5-10 courses que tu enchaînes avec de la RNG, alors tu vas t'amuser. Hein. Je pense que la manette, tu vas la manger et le fil le passer entre les deux oreilles et bouger de chaque côté. Hein. Là, tu vas pas aimer. Et d'ailleurs, oui, le remake aujourd'hui, enfin, remake Bob l'éponge, ça me fait penser un petit peu au Astérix XXL qu'on voit apparaître aujourd'hui aussi. Oui. Qui est un peu la même démarche, style, on n'a pas trop envie de faire un nouveau jeu. Il y en a un qui existe, les gens ont bien aimé, autant. Même si Astérix XXL, apparemment, ça a l'air nettement plus moyen. C'est sorti chez Microïs, je crois, hein, Astérix XXL. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, ouais, Battle of Bikini Bottom, bah écoutez, c'est très bien. Et en plus, le jeu n'était pas excessivement version boîte, je crois, à sa sortie, au niveau tarif. Ouais. Et un mois après, je l'avais déjà trouvé d'occasion à 30 balles. Donc je m'étais dit, à ce prix-là, bon, ben, ça se tente. Et j'avais commencé à le faire en live. Le problème, c'est que ma PS4, elle est en fin de vie. Elle fait un bruit incroyable. Et on a pu mettre du micro. On disait, c'est quoi ce bruit de ventilateur? Ah merde. Ben non, c'est pas le mien. C'est la PS4. J'en parlerai du bruit, peut-être, si on a le temps, sur un jeu. Enfin bref, ouais. Mais c'est vrai que la PS4, des fois, ouais... Beyond, c'est vrai que j'aurais pu le mentionner, ça, pour Trial of Mana. Oui. Je veux dire... Trial of Mana, oui, c'est un des... c'est la premier ex aequo des deux jeux qui ont fait le plus souffler ma PS4 Pro. Ouais. Le jeu, il est parfait. Il a quand même un gros défaut, ouais. C'est que, des fois, je n'entendais même plus la musique de la télé, quoi. Tu vois, la PS4 Pro détruisait tout. C'est incroyable. Moi, j'ai une PS4 normale, imagine. Ouais. C'est le problème avec les jeux de cette idée, les jeux Square, parce que donc moi, je sais pas si tu auras le temps d'en parler, mais c'est pareil avec FF7 Remake. Moi, j'avais Pulpy qui regardait FF7 Remake sur l'écran télé aussi et qui me disait pour le moment, je n'entends pas les dialogues. Ça m'a pas fait. Que moi. La console. Ah, par contre, sur FF7 Remake, ça m'a pas fait. Peut-être j'ai mis la musique à fond, c'est possible, parce qu'il a une bande-son. Bah, on est parti dessus, du coup. On est parti dessus, du coup. Non, moi, oui, parce que toi, moi, je crois savoir que tu l'as un peu plus apprécié que moi. Ah, moi, FF7 Remake, oui. Ah oui, mais... En fait, le problème, c'est que je peux pas trop parler de pourquoi j'ai apprécié. Ça spoil. Ouais. C'est bizarre, hein. D'accord. Mais sachez qu'on... Enfin, dans la manière dont je l'ai perçu et dont je vois le jeu, je pense qu'on peut le spoiler, en vrai, pour de vrai. Par contre, je peux dire que la bande-son, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de malade, le taf qui a été fait. Alors, en fait, bien sûr, le taf, il a été fait il y a 25 ans. Hein, les compositions, elles n'ont pas bougé. Et donc, forcément, quand tu as ce matériau de base-là, et que tu as compris avec Secret of Mana qu'il ne faut pas trop toucher au matériau de base quand il est très bien, bah là ils ont fait une réorchestration et des thèmes incroyables. Et ouais, non, ce qui a plus divisé, je pense, c'est en tout cas ce qui a plus moins convaincu Beyond, c'est au niveau du gameplay. Alors, le gameplay des combats était relativement intéressant. Le truc, c'est que moi, ce qui m'a vraiment dérangé, les boss design dit, plutôt. C'est... Bon, oui, le fait que tu sois obligé de recommencer, enfin, en vrai, la première fois que tu arrives sur un boss, tu peux t'en sortir en galérant comme un débilo. Sauf que c'est plus simple, en gros, de mourir une fois, de revenir en arrière, d'équiper correctement tes matérias, et là, le jeu devient vachement plus sympa. Et par contre, non, moi, ce qui m'a vraiment, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est, enfin, moi, j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé Final Fantasy VII, l'original. J'ai détesté me passer quasiment tout le jeu à me balader dans un couloir infini. J'avoue que j'ai vraiment détesté les interprétations et les doublages des personnages. Et j'ai trouvé que, enfin, pour moi, l'original n'a jamais sonné aussi nanar que ce que ce FF7 remake m'a donné à voir. Je parle même pas de ce fameux personnage rajouté à Moto et son combat qu'il a. J'étais sous mon canapé en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ce personnage, je me dis, en plus, alors je sais pas si ça va être. Enfin, je me dis, il va revenir à un moment, c'est obligé. Tu vois, enfin, tu te dis ça dans le jeu, il va revenir. Et ben, enfin, bref, après, je dis rien. Mais, juste ouais, après, ouais. Mon réalisateur préféré qui fait la même chose que d'habitude, à base de. Vous, c'est la vérité, est-ce la vérité ? Va-t-il se passer ce que vous croyez ? Va-t-il pas se passer ce que vous croyez pas ? Et on va mettre un petit ressort à base d'espèces de machins vaporeux qui vont être là pour faire basculer soit dans un sens, soit dans un autre, comme ça m'arrange. ouais, non, il y a ça. Bon, le côté couloir, enfin, j'aurais pas le temps de détailler, mais. Le doublage, Yodo, il dit le doublage, c'est le barrage, c'est le ta ta ta ta ta ta ta. Et encore, je suppose que toi tu l'as pas fait en japonais. Non, alors moi je l'ai fait en français parce que moi je suis très doublage. Le doublage français, japonais, Barrette est aussi très très expressif, ouais. Mais encore une fois, en fait, le problème c'est que le jeu en 97, avec les moyens techniques de l'époque, la direction artistique, enfin les choses qui étaient possibles de faire, ça marchait tout ça. Oui. Surtout parce qu'ils fermaient leur gueule, on les entendait pas en fait. Maintenant qu'il y a des doublages et tout, ils ont retranscrit ça, hein, vraiment. Je suis d'accord que ça passe un peu moins bien en fait, finalement. Quand tu... Enfin, voilà. Ah ouais, t'es quand même d'accord là-dessus ? Ou c'est pas qu'une question de ressenti personnel ? Non, non, en fait, moi ça m'a pas dérangé parce que je savais que ça allait faire ça. Je savais à quoi m'attendre et en plus, je regarde beaucoup de trucs en japonais et je sais que les japonais ils ont tendance à. Un peu exagéré dans leur jeu d'acteur. Donc moi, ça me dérange pas. La en question, fait. C'est la balance, c'est ton ressenti entre le fait qu'il y a des choses qui sont vachement cool et il y a des trucs qui vont, enfin moi, qui m'ont sorti du jeu. Et la moyenne fait que finalement, j'ai terminé le jeu, mais j'étais pas content. Enfin, de toute façon, comme je l'ai lu sur d'autres Discord, j'ai eu l'occasion de me battre avec des gens à propos de ça. Le problème avec FF7 Remake, c'est que quand tu dis tiens, ils ont fait ça comme l'original, les gens te répondent c'est normal, c'est un remake. Et quand tu dis tiens, ils ont fait ça différemment, les gens ils te répondent c'est normal, c'est un remake. Ouais, non, mais en fait, le truc c'est que voilà, moi je peux pas dire que je suis pas d'accord avec ce que dit Beyond parce que pour moi c'est vrai, c'est juste que moi par contre ça m'a pas dérangé et j'ai, au global j'ai apprécié. Mais surtout, en fait, je pense que je vais vraiment pouvoir juger le jeu et c'est là où c'est terrible. Enfin, je pense, c'est que je. Pourrait vraiment juger le jeu quand on aura la suite, quand on aura fini. C'est des trucs qu'ils ont fait ou je sais toujours pas pourquoi. Alors, ils l'ont fait. C'est clairement le jeu a été entièrement construit dans le seul et unique. On croirait une série Netflix. Ouais. Avec un gros cliffhanger à la fin à base de vous voulez la suite. ouais. Non, vraiment, ouais, vraiment. D'un côté, je comprends parce que bah effectivement FF7 c'est un tout et voilà. De l'autre côté, je me dis merde, ouais, c'est dommage parce que du coup t'as ce sentiment d'inachevé et tu te dis en plus, il y a quand même, ils ont rajouté certains trucs où vraiment ils auraient pas dû parce que c'est débile. Hein. Tu parlais d'un perso avec un combat, enfin voilà, c'était pas fou. Alors qu'il y a des points j'aurais bien aimé qu'ils éclaircissent et qu'ils ont pas fait. Donc bon. L'autre paradoxe c'est que vu que le budget c'est de reproduire que la partie Midgard FF7, ils sont allés chercher des choses qu'on qui sont que balbutiantes dans Midgar en particulier. Oui. Les matérias d'invocation dans FF7, elles n'existent pas dans Midgar. Elles sont après la première qu'on a, c'est Chocomog. Et c'est plus tard, une fois qu'on est passé à Calme, donc voilà, on l'a pas du tout. Ouais, et ouais. Également, ils sont allés chercher le combat final contre un ennemi. Alors, je vais pas spoiler, mais il sera bientôt dans Smash Bros. Et donc, sur le coup, c'est-à-dire que lui, il n'est pas censé avoir cette place du tout là dans Midgar. Il est censé aussi être très vaporeux dans Midgar, être une espèce d'ombre menaçante qu'on voit jamais. Et sur le coup, dans la première partie, ils ont mis tout ouais. FF7. Ils sont allés chercher les éléments, ils ont tout mis. Et donc, on arrive à la fin, on dit, mais qu'est-ce qui va rester au final? Comment vous allez traiter la suite? Justement, voilà. Et ils ont mis un truc qui, pour moi... Alors, moi j'aime bien ce genre de truc, mais... ça dépend. Vraiment, je peux pas dire tant que j'ai pas vu la suite, quoi. Voilà. Mais globalement, j'ai bien aimé parce que, par contre, j'adore le gameplay. Et moi, ayant poussé FF15 à mort et ayant quand même appris comment fonctionnaient maintenant les jeux Square, je me faisais jamais baiser. Moi, j'avais toujours une matéria quasiment de chaque type. Et du coup, les combats, j'étais toujours plus ou moins prêt. Et du coup, j'ai adoré justement le fait que ma préparation payait à chaque fois, en fait. Voilà. Et. Mais ça, ouais, après, je comprends. Mais pareil, encore une fois, voilà, je comprends. J'ai fonctionné sur le principe de grosse rouste, revenir au checkpoint, réfléchir deux minutes. Ah, d'accord. Voilà. Genre, quand t'arrives contre un personnage, que t'es là avec tes matérias de feu, tu fais ah, et que le personnage, il fait mon élément, c'est le feu. Tu fais, oh, putain. Encore une fois, tout ce qu'a dit Beyond, je suis d'accord avec lui. C'est juste que moi, ça m'a pas dérangé, en fait. Voilà. Mais c'était pareil, effectivement, dans l'original, où t'as des. Des faiblesses ou des forces, tu peux les découvrir qu'une fois que tu es face au boss, pas avant, tu peux pas, c'est pas possible. Voilà. Et donc tout était bien, même le combat contre la maison. Mais voilà. Mais sinon, ouais, grosse bande son, hein, ça par contre. Bah, il a pas été récompensé pour ça, le jeu, justement, au Game Awards. Game Awards. C'est toi le spécialiste de Game Awards. Game Awards FF7. Vérifiez ça tout de suite. Hein. Je sais plus. Mais on en parlait lorsqu'il est sorti. On disait qu'FF7 Remake, il passerait pas le poids des ans. Et c'est vrai que là, en cette fin d'année, quand tu regardes les Game Awards, c'est les gens de quel jeu ils parlent, FF7 Remake. Ouais. Quand j'ai vu son nom apparaître, je me suis même dit, ah oui, c'est vrai, c'était cette année. Ouais, ça par contre, ouais. Alors, moi je confirme, FF7 Remake, meilleure musique. Ouais, voilà. Bah ouais, mais pour moi là, il n'y avait même pas débat en vrai, ouais, donc, mais ouais. J'étais pas sûr parce qu'il y a un autre jeu qu'on a gagné plein des récompenses et je suis toujours sceptique, mais bon, bref. J'étais là-dedans aussi, hein, ouais. Mais bon, bref. Bref. Sur le coup. Bah, moi, je vais citer rapidement juste deux jeux rétro, parce que je n'ai pas du tout cité de jeux rétro que j'ai joué cette année. Je ne sais pas pourquoi j'ai mes notes, je connais par cœur. Donc cette année, ça a été d'une part l'année où j'ai eu le plaisir de commenter à les yeux des culs le speedrun de Wario Land Virtual Boy. Lorsque j'ai demandé le jeu, en espérant qu'on me l'attribue, je me suis dit super, ça va être l'occasion de relancer mon Virtual Boy et de rejouer au jeu. Et quand j'ai vu que j'avais été effectivement sélectionné, j'ai relancé mon Virtual Boy, et là, la maladie. Mon Virtual Boy, qui a donc un des deux écrans qui fonctionne plus correctement, fini. Donc, voilà, sachant que quelques mois plus tôt, n'est-ce pas, Monsieur Pell, il fonctionnait très bien. Hein, tu te souviens ? Ah bah oui, je confirme. Et voilà. C'est pas moi qui l'ai cassé. Hein. Non, c'est pas toi qui l'as cassé, c'est normal, c'est les nappes qui se décollent, c'est tout à fait. Bref, tout ça pour dire que grâce à l'ami Nodoka75, qui je fais un big up encore ce soir, qui j'ai envoyé ses nappes pour qu'il me les répare et qui a fait un super boulot dessus, mon Virtual Boy fonctionne à nouveau. Donc j'ai pu rejouer entièrement à Wario Land sur Virtual Boy. Et tout ça pour dire que, alors forcément, si je vous dis d'y jouer aujourd'hui, c'est pas le jeu qui va vous coûter le moins cher à jouer, surtout si vous devez acheter un Virtual Boy. Mais Wario Land Virtual Boy, c'est un jeu qui est court, mais agréable, qui est beaucoup plus proche de Super Mario Land 2 que de ce que sera Wario Land après, parce qu'il est vraiment sorti entre les deux. Oui, c'est vrai. On est beaucoup plus proche d'un Super Mario Land 2 au niveau du feeling, au niveau du nombre de choses à trouver. Il y a très peu de choses à trouver, le jeu est très très direct, et effectivement, c'est un bon jeu Virtual Boy. Après, mais dans le décor aussi, un peu les grottes et tout, plateformes et tout, c'est vrai que ça fait vachement Mario Land 2. Voilà. Et par contre, bon, je ne vais pas vous dire d'acheter un Virtual Boy pour jouer à ça, parce que forcément, ça va faire un peu cher pour un jeu qui n'est pas très très long au final. Hein. Donc, mais voilà. Et le second jeu rétro auquel j'ai rejoué cette année, et je me suis fait une longue partie et que j'aime toujours, je vais rapidement parler de mon préféré de la fameuse trilogie Gaïa de Quintet. Soul Blazer est encore, et je confirme aujourd'hui, mon préféré des trois. Je ne sais pas pourquoi, je préfère, alors que en termes de réalisation, il est clairement en dessous d'un Legion of Time ou d'un Terranigma, au niveau du gameplay, du feeling du jeu et au niveau de sa musique, c'est vraiment mon préféré des trois encore aujourd'hui. On a parlé, ça aussi. Tu sais que je pense la même chose. Moi, je préfère largement Soul Blazer, hein. Vraiment. C'est... Ouais. Il est, comme tu dis, la maniabilité, ça fait moins approximatif le perso, il est plus précis dans ses mouvements. Beaucoup, par contre, il a des animations beaucoup plus secs, détaillées. Oui. Tu sais vraiment ce que tu fais. Et les musiques sont excellentes. Ouais. Je pense que plus, vous êtes. Il y a toujours un côté musique classique hein, dans les jeux de Enix, hein, quand même. Comment vous êtes victime d'une hallucination collective, je pense, c'est pour ça. Non, je parle, c'est le seul de la trilogie que j'ai pas fait, donc je sais pas. Mais tu sais, c'est comme les musiques de Hack Treasure, quoi. Ça fait très musique classique, quoi, tu sais, je trouve, et ça correspond bien. Ça fait chouette. Et donc, surtout, c'est un jeu, on le sait peu, mais c'est un jeu donc, qui est sorti en français à l'époque, qui a été entièrement traduit en français, et c'est Ubisoft qui s'était occupé de le distribuer en France. Je vais pas vous dire d'aller acheter la cartouche originale, parce que ça va pas vous faire plaisir. Par contre, en émulation, il n'y a pas de souci, le jeu fonctionne très bien. Sur une Super NES double switchée, vous pouvez même jouer à la cartouche originale à 60 Hz. Ça marche très bien, c'est ce que j'ai fait. Voilà, bref, Soul Blazer, si vous avez l'occasion. Parce qu'on parle très souvent de Legion of Time et Terranigma, qui sont beaucoup plus connus et reconnus. Ne serait-ce que parce qu'en fait, qu'en France, ils ont été quand même beaucoup plus facilement disponibles que Soul Blazer. Voilà. C'est juste, c'est... que j'aime, que je confirme que je l'aime toujours. Ouais. Et Monsieur Chou, je demandais tout à l'heure, t'en as un, toi, Virtual Boy ? Oui, mais bien sûr, oui. Ah oui, je savais pas. D'accord. Il marche encore, mais jusqu'à quand ? Après, de toute façon, les nappes, ça se change. Hein. Oui, bah ouais, c'est ce qu'a fait Billon. Okay. Là, ça se ressoude. Parce qu'a priori, pour l'instant, il n'y a pas encore de possibilité de changer une nappe. Ouais, enfin, après... où il y en aura des dispo. Oui, voilà. J'ai vu qu'apparemment, bah avec Nodoka, on a eu l'occasion de fouiller ça. Il y a des gens qui sont en train de commencer à prévoir de pouvoir justement de changer ses nappes et de faire des parties de rechange. Parce qu'on sait que c'est exactement cet endroit-là où, en gros, la nappe est juste collée et il y a un tout petit peu de tension dessus. Et bizarrement, au bout de 25 ans, la colle ne fait plus exactement ça. Non, t'as ces problèmes-là dans les Game Boy aussi. Hein, oui, avec c'est le même problème que les Game Boy. Les nappes, voilà. Je rigole, évidemment, le jour où, en 95, lorsque Nintendo avait commercialisé Virtual Boy, je ne pense pas qu'ils imaginaient que 25 ans après, on puisse encore jouer avec. De toute façon, je pense. De toute façon, ouais. Je pense que même 3 mois après, ils sont les mêmes en projet. Ouais, voilà. De toute façon. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse Moa parler de Doom Eternal ou on clôt l'émission ? Parce que moi, les enfants, je vous le dis, hein, je pense d'ici 10 minutes, je vais devoir partir. J'ai mal à l'oreille, j'en peux plus. Donc, après, vous pouvez continuer sans moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, non, j'arrête. À la limite, allez, j'ai encore 20 minutes. Voilà. Je vais prendre un cachet, j'arrive, je reviens. Doom ! Voilà, je le disais. Ah non, mais alors, vous allez, en plus, vous allez, parce que moi, je vais en parler très rapidement de Doom Eternal. Hein. C'est un jeu... Le meilleur jeu. Non, mais c'est un jeu... Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Ça me le fait pas souvent, en fait. C'est très très rare, ce genre de jeu, où j'étais tellement dedans, que je sais même plus pourquoi je l'ai aimé, en fait. Le jeu, il y avait la musique, il y avait l'ambiance, il y avait les flingues, il y avait... Et il enchaînait, le jeu, il enchaîne. Et j'étais dedans, le jeu il m'a pris en fait, il m'a aspiré quoi, il a aspiré mon âme. Quand je jouais au jeu, il n'y avait plus rien autour et j'étais à fond dedans. C'est-à-dire que c'est... Pour moi c'est vraiment la quintessence du jeu d'action quoi. Tu as alors déjà en termes de purement technique, le jeu il est optimisé, tous les jeux ils devraient être comme ça. Le jeu il tourne sur n'importe quoi. C'est simple, il tourne sur n'importe quoi. Même sur Switch. Voilà. Alors, il y a des compromis sur Switch, mais il tourne. Mais il est 100% jouable. 100% jouable. Et du coup, tu arrives. Enfin, les démons sont. J'ai envie de dire, enfin, c'est des trucs, ça s'est déjà vu, mais je pense qu'ils ont vraiment poussé le truc plus loin, la destruction de leur tronche au fur et à mesure des impacts et tout. Enfin, ils partent en lambeaux et tout. Enfin, ça m'a vraiment pris, quoi. Et les musiques, si t'es allergique aux musiques un peu énervées, par contre, je pense que le jeu, tu y joues 10 minutes et tu arrêtes. Mais par contre, si t'es comme moi, t'es à fond dedans, ça m'a mis dedans. J'étais dans le jeu, quoi. C'est la patte des Doom, hein, je veux dire, les musiques de Doom, ça n'a jamais été. Et il se paye. En général, si t'es pas nerveux, ça va pas te plaire. Hein, ah ouais. Et le jeu se paye le luxe. Et c'est. Bah, on parlait des Games Awards tout à l'heure. Ça m'a vraiment surpris parce qu'il a une DA qui est fabuleuse. Là, vous avez un décor. Oui. Bon, il y a ma tronche devant, hein, je m'excuse, mais vous allez enchaîner un combat, un gros truc de ouf et tout, sortir d'une caverne, et paf, vous allez sortir, vous allez vous retrouver face au limbe et enfin aux plaines désertiques infernales, quoi, avec des éclairs, on voit qu'il y a des milliers d'années avant, il y a un combat qui a eu lieu et tu vois encore les squelettes et les trucs qui sont en train de s'empaler la gueule et tout. Le jeu est incroyable, voilà. Mais je pourrais pas vous expliquer quel moment, quel truc, c'est vraiment le jeu, il m'a aspiré. J'étais dedans, à fond, dedans, tout le temps. Voilà, c'est tout. Et tu dis que t'étais à fond dedans, mais t'es obligé d'être à fond dedans, je crois, quand même, dans ce type de jeu, quoi. Ça demande une perspicacité de réaction, juste surhumaine, moi j'ai l'impression. Typiquement, en plus, ce que tu dis, c'est plus ou moins vrai, parce que je l'avais commencé en stream, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, et en stream, j'étais pas dedans du tout, pas du tout. Et j'ai recommencé en fait hors stream, et là je me suis dit, là ça marche, là j'arrive à être dedans, quoi. Vraiment pour de vrai. Voilà. Et c'est là où j'ai pris mon pied à fond, et c'était énorme, quoi. Enfin... Ah voilà, ça demande une concentration de tous les instants, quoi. C'est le truc. Ou c'est peut-être juste moi qui suis pas apte à jouer à ce genre de jeu. C'est possible aussi, hein, tu vois, mais je m'en fous parce que j'étais dedans. Et c'était vraiment ce qui comptait et ce qui fait que j'ai pris une claque, quoi. J'ai vraiment pris une claque. Et le DLC, il dit en gros, ah ouais, vous en avez pas eu assez avec le premier, bon c'est pas grave, on va encore plus haut, encore, on monte encore. Et tu fais, mais vous êtes fous, enfin, qu'est-ce que ça va être le prochain, quoi, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, mais j'ai pris mon pied, c'est tout ce que je pourrais en dire, voilà. Ça marche, on vente le jeu. Oui. Merci. Oui. Bien. Je veux juste apporter un petit contrepoids. Je suis pas allé jusqu'au bout du jeu, et pour plusieurs raisons. Alors je pourrais dire parce que maintenant il y a un scénario, mais ce serait mesquin. Il y a le jeu déjà propose beaucoup de choses, c'est-à-dire que il y a à la fois beaucoup de manipulations à retenir avec un nombre de choses que tu peux faire. Ben moi avec la manette, je jouais avec la manette, assez incroyable. Des choses à ramasser et des possibilités d'évolution qui fait que franchement au début tu as l'impression d'être juste noyé sous les possibilités tellement il y a des menus et des sous-menus et des sous-sous-menus. Et le jeu a des niveaux qui sont très très longs. Mais genre plusieurs heures. Il y a effectivement. Après, il y a pas mal de checkpoints, mais c'est vrai que c'est surprenant. Tu fais le premier niveau et tu te dis, mais. j'ai préféré l'immédiateté de Doom 2016, qui allait vraiment à l'essentiel de ce côté-là, beaucoup plus que ce Doom Eternal, qui va sur le coup aller chercher plus de mécaniques, plus de choses et plus en mettre. Et au bout d'un moment, moi, j'étais rempli. Et genre, tu sais, quand au bout de 5 ou 6 heures de jeu, le jeu, il continue à te balancer de nouvelles mécaniques dans la gueule, tu fais... Arrête ! Ah, stop ! Ah ! Je vais t'avouer un truc, tu sais, tous les trucs où les points à mettre, les machins et tout, j'ai fait ça au pif. J'ai cliqué. Par contre, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord, effectivement, que... En fait, c'est chiant dans Doom de customiser son personnage, machin. Du coup, j'ai cliqué au pif. Puis de toute façon, à la fin, vu que je ramassais tout, à la fin, j'avais tout. Donc bon. Et bon, en toute honnêteté, c'est du pinaillage. Et vu le prix des jeux aujourd'hui, et vu le prix même, ils vendent le pack avec les deux jeux ensemble. Je crois qu'on l'a vu à 20 balles passer, jouer aux deux. jouer à Doom 2016 et Doom Eternal, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ça vaut rien. Il a baissé voilà, de dingue. Les versions console sont super propres. Voilà, rien à dire. Un mot, tu jouais au clavier ? Clavier souris, là, ouais, pour le coup. Ce qui est peut-être plus simple, je sais pas, parce qu'effectivement, ouais, peut-être, je sais pas, peut-être aussi le fait. Je sais pas. Non, mais parce qu'après, les nombres de mécaniques, c'est le même, que ce soit, oui, comme on a dit, c'était le double saut, triple dash, le fait que tu es maintenant, tu dois vraiment alterner entre les glory kills, la tronçonneuse et le lance-flamme en fonction de tes besoins, en fonction de. Justement, avec un clavier souris, par exemple, tout ça, c'est à chaque fois, c'est une touche, quoi. Enfin, donc sur une console, peut-être qu'il y a des manips à faire, j'en sais rien, j'ai pas testé avec la manette. Il y a peut-être du L, ça, les du LT plus Y ou je sais pas, ce genre de conneries, j'en sais rien. Oui, il y a forcément, voilà, mais le fait qu'il y ait les coups principaux de l'arme, les coups secondaires, qu'après t'es les grenades, t'es différents types de grenades, au bout d'un moment t'as envie de dire au jeu, mais arrête, j'ai trop, il y a trop de choses à faire, il y a trop. Ouais, mais par exemple, les grenades de gel, c'est pareil, je l'utilise. Le ressorti global, c'est que oui, le jeu très bien, mais moi très bien, enfin, la réalisation, la musique, évidemment. Moi, je suis très très client de ça, donc évidemment que j'ai adoré. C'est vrai, il y a Doom 2 dans Doom Eternal. On parle du futur Halo, ben on en parlera quand il sera sorti, c'est-à-dire. Dans longtemps, apparemment. L'Xbox One, c'est quand même la seule console qui a son fer de lance de sortie un an après la sortie de la console. Xbox Series X, pardon. C'est notable. Bon, sur le coup, est-ce que quelqu'un d'autre avait un autre jeu dont tu voulais absolument d'appel, par exemple, est-ce que tu avais un autre jeu dont tu voulais absolument parler? Absolument. Je voulais peut-être quand même essayer d'évoquer. Oui, mais je l'ai pas fini. Ah. Mais ça reste un jeu pour moi. Pour moi, peut-être pas à ce point-là, mais qui a été qualifié par beaucoup comme le RPG japonais de la génération. Excusez du peu, le Persona 5 Royal, si, en début d'année. Donc, il est clairement plus qu'un add-on. Enfin, il y a plus qu'un add-on, c'est de la version d'origine. Il y a vraiment une refonte de certains niveaux. Et je m'en suis rendu compte parce qu'à un moment, j'étais coincé dans un donjon. Et j'ai été voir sur YouTube et je suis tombé sur le Persona 5 d'origine et je me suis rendu compte qu'il a été agencé différemment, en fait. Ils ont fait vraiment un travail mais hallucinant. Ils ont rajouté des personnages jouables en plus, des scénarios en plus, des chapitres en plus. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Alors, Persona 5 Royal, c'est pour ce que tout le monde... Pour présenter un petit peu, c'est le spin-off des Shin Megami Tensei. Hein. Et, donc, RPG japonais, tour par tour, classique. Sauf que les Persona ont la particularité d'avoir en commun de mettre en scène tout le temps des lycéens dans une époque moderne, de nos jours en fait. Et ils sont toujours confrontés avec des univers, univers un peu métaphysiques et toujours avec des thématiques qui prennent en compte les gros soucis d'adolescents au Japon. Et alors, vraiment, par contre, ils y vont pas avec des pincettes. Hein. Ça peut être hardcore, c'est le suicide, c'est les viols, c'est les meurtres. C'est des trucs vraiment, vraiment violents et c'est vraiment génial. C'était le jeu. J'aurais voulu le transposer sur ma PS5 pour le poursuivre parce que ce jeu-là, c'est clairement un jeu où je voulais le poursuivre pour son scénario. J'avais vraiment envie de savoir ce qui arrivait au personnage. Mais vraiment un truc de fou. J'ai jamais vu ça dans d'autres jeux à ce point-là. Quoi. Donc c'est vraiment génial. Et là, l'autre particularité, c'est qu'il y a quand même un habillage et une DA propre au Persona qui est incroyablement chiadée, quoi. Ça ne demande pas des trucs de fou, parce qu'à l'origine, le Persona 5 est sorti sur PS3, mais la DA est tellement atypique que ça lui donne un charme. Mmh. C'est vraiment, vraiment excellent. Le seul truc qui me freine, moi, mais je dis toujours la même chose, alors je n'ai toujours pas commencé, il faudrait quand même que j'y joue, c'est le sentiment qu'il y a des tâches à accomplir jour après jour. Ouais. Oui. Et je sais que dès qu'un jeu est comme ça, que ce soit, je pensais à des jeux comme Dead Rising ou comment il s'appelle, Pikmin, ça me crispe. D'avoir le temps qui te pousse au cul, ça me crispe. C'est vrai, mais là, c'était pas gênant. Le truc qui va justement dans ton sens, c'est que ce qui peut être gênant, c'est que ça limite le choix, en fait. Ça veut dire que si tu décides de faire quelque chose, tu ne feras pas autre chose. Et du coup, ça fera développer seulement une de tes facultés de personnage, pour tes personnages. Et moi, je déteste avoir le choix de dire est-ce que je vais augmenter ci ou augmenter ça, plutôt suivant les choix que je fais au quotidien, en fait. C'est ça que je voulais dire. Mais en fait, peu importe. Parce que ce qui fait réellement augmenter tes personnages, en réalité, c'est de faire de l'XP dans les donjons. Et ça, ça change. Donc, vraiment, c'est pas si, je veux dire, contraignant que ça, en fait, dans ce personnage-là, je trouve. Voilà. Et là, j'ai tout le monde devant toi. Bah, j'attends toujours de le faire, mais moi, je suis un peu comme Beyond. Hein, le fait que... Alors, moi, c'est pas tout à fait le fait... d'être pressé par le temps, c'est les parties où, j'ai bien compris, tu... une espèce de partie visuelle nouvelle entre chaque donjon, je sais pas quoi, enfin... où c'est tu parles avec les gens... C'est très RPG, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu fais une vie au quotidien, ouais, mais je te promets que l'univers est tellement bien fait que c'est vraiment pas chiant, en fait. Mais vraiment, hein, je plaisante pas. Et pourtant, je suis pas fan de ça non plus. Moi, je préfère aller bastonner, forcément. Mais c'est vraiment cool à suivre tout ce qu'il y a à côté. Vraiment, vraiment. Et comme je dis, le Japon en 2020, dans les rues de Tokyo, tout ce que ça permet de rencontrer, non, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Ouais, mais il fait partie du jeu que j'aimerais bien faire. En fait, ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil, comme tu dis, c'est la DA... C'est très stylisé et tout, je pense que ça peut me plaire. Après, bon, j'espère juste pas m'emmerder pendant 200 heures, quoi. Mais on verra. Je verrai quand je le ferai, c'est sûr. Là, par contre, quand tu te lances dans le jeu, ouais, t'en as pour un moment. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas commencé encore. Je cherche des expériences un peu plus courtes. Ouais. Le dernier truc, moi, que je voulais mentionner, après, je prends la parole parce que j'aurais fini, c'est que j'avais quand même un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule sur un jeu qui m'a plu. Vous vous rendez compte ? Donc, je voulais parler du Dragon Quest 11. Mais Yang, ça te fait rire, hein ? Oui, mais non. Bah si, il faut le mentionner. Je pense qu'il fait partie des jeux que j'avais cités en fin d'année dernière comme un de mes jeux préférés de l'année. Eh bah ouais. Et là, je comprenais parce que c'est clairement un jeu génial. Et il ressort dans sa version Ultimate S sur PS4 en ce moment et Xbox One. Avec les chapitres supplémentaires qui étaient propres à la version Switch. Là, tu dis, mais c'est cool. Et en plus, avec les musiques orchestrales. Et là, tu dis, bah, le c'est mode cool, 2D. C'est et ouais, le mode 2D. T'as raison. Tu dis, putain, c'est cool. Moi, je le prends, naïvement. Tu dis, ouais, j'ai adoré le jeu d'origine. Moi, ça ne me dérange pas de vouloir reprendre la partie avec tous les add-ons et tout ça, quoi. Sauf que il y a eu une contrepartie. Et elle n'est pas des moindres, c'est qu'en fait, c'est la version Switch, graphiquement. C'est-à-dire, tout ce qui avait fait le charme de la version PS4, avec ses modélisations, les herbes toutes fouillées et tout, eh ben, ça a disparu. Et non seulement ça a disparu pour de bon, mais je veux dire complètement, parce que Square Enix l'a proprement et purement supprimé des téléchargements. Ce qui fait que maintenant, la seule et unique version disponible sur toutes les plateformes, c'est la version Switch et rien d'autre. Ça et le jeu tourne à 30 FPS. C'est juste incroyable. Ça me laisse toujours... tu sais, les... Enfin, ils osent appeler ça la version Ultimate, alors que... Bah, en fait, non, puisqu'on sait qu'il pourrait y avoir un truc encore mieux. il n'est plus trouvable. On peut même plus la télécharger. Hein. Non, ouais, mais tu sais, parce que par exemple, s'ils avaient fait cette version-là, mais en portant vraiment sur PS4, alors ça aurait sans doute demandé plus d'efforts. Hein. Attention, je dis pas. Ils ont eu leur raison de faire ça. C'est ça, ils auraient dû refaire toutes les versions supplémentaires avec les personnages jouables en plus. Ils auraient dû évidemment à nouveau les remodéliser pour les mettre à niveau avec la version PS4. C'était ouais, ça l'effort. Hein. Oui, bien sûr. Bah, supprimer la version la plus belle pour garder que la version Switch. Je trouve ça carrément scandaleux. Franchement. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, les graphismes, c'est pas important pour un RPG, que 30 ou 60 FPS pour un FPG, c'est pas grave. Mais n'empêche que moi, je continue à me souvenir de jeux comme Tales of Symphonia quand il est sorti sur PS2. Bah ouais. Ah. Lizzie s'est passé. Voilà. Bah ouais, c'est, ouais, ça se voit. C'est un peu la même chose pour Tales of Symphonia, parce que sur le coup, quand ils l'ont porté sur PS3, bah, ils ont porté la version PS2. Exactement. Et sur PC aussi. Hein. Version GameCube, coucou. Voilà. Oui, oui, c'est un peu ça, c'est vrai, t'as raison. Mais je trouve ça... Alors évidemment, c'est pas très grave, parce que la version Switch, elle reste jolie quand même, quoi. Mais vraiment, il y a une différence. Je connais. Il y en a une. Hein. Quand j'ai lancé le jeu, je l'ai vu, quoi. Je dirais, c'était ça, pas comme ça. Ça reste un jeu exceptionnel, ça reste un très très bon RPG. Extrêmement classique, comme on l'a déjà dit, mais vraiment de très très bonne facture. Oui, c'est le meilleur Dragon Quest. Hein. La scénarisation et tout, elle est vraiment chouette. Hein. Le jeu est cool. Et puis les musiques orchestrales, c'est vrai que ça ajoute un plus. Hein. Là, par contre, faut pas nier. Voilà, c'est tout. Ouais. Bon, je pense qu'on a. À moins que quelqu'un ait. Moi, t'avais un jeu dont on voulait absolument parler en plus ou... Bon, non, c'était pour le démonter, c'est peut-être pas intéressant. Non, bof, bah, le démonter. J'avais envie, moi, de clore avec un petit mot rapide, quand même, avec ce qui est en train de se passer. Parce que, ben. Bah, on est, on est donc non, oui, on est, pas on est et avec ce qui est en train de se passer en son juste rapidement parce que enfin oh, la polémique est quand même toute chaude et j'avais envie qu'on en parle rapidement avant de quitter l'émission. On est des joueurs et en fonction des choix qu'on fait d'achat de jeux, c'est vrai qu'on oriente un petit peu ce que va devenir le marché dans les années à venir. Cyberpunk 2077 est sorti il n'y a pas longtemps. Et ce qui vient de se passer est quand même extrêmement inédit. À savoir, donc, un jeu qui a été développé pendant 8 ans, une attente assez phénoménale, des millions de copies en précommande, littéralement. Et donc, on a donc une boîte, c'est CD Projekt Red, qui décide donc 2 semaines avant la sortie du jeu de faire un tweet officiel dans lequel ils disent que la version console tourne incroyablement bien, selon leur propre dire, d'envoyer des versions uniquement PC de test, d'interdire le peu de gens qui ont pu avoir une version console avant la date de sortie d'être diffusée la moindre info dessus, et au moment où le jeu est finalement disponible, on se rend compte que bah, les versions PS4 et Xbox One sont littéralement cassées. Cassé au point où j'ai lu des articles notamment d'Eurogamer qui interrogent le fait que on a normalement des process chez Sony et Microsoft de validation de jeu qui imposent qu'un jeu tourne dans certaines conditions et notamment ne crache pas pendant une certaine durée pour pouvoir être validé et mis en vente. Oui, oui, oui. Et on a un jeu qui est sorti dans un état inacceptable, qui même avec son patch Day One, qui pèse d'ailleurs plusieurs dizaines de gigaoctets, ce qui est considérable aujourd'hui pour les petites connexions, n'est toujours pas acceptable, qui avec son patch 1.04 commence à être légèrement mieux sur les consoles de base, mais avec donc un jeu qui fait continuellement que crasher, extrêmement dégradé par rapport à la version PC, avec un framerate qui tombe sous les 15 images secondes sur les consoles de base, ce qui est quand même juste hallucinant. Donc finalement CD Projekt, une fois avoir fait les comptes, s'être rendu compte que finalement c'est bon, ils étaient safe au niveau financier, ont fait le beau jeu en disant on s'était rendu compte de rien, on vous propose de vous rembourser. Bon, quand on déclare 2 semaines avant la sortie du jeu que le jeu tourne incroyablement bien, je crois que là il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et en même temps, Sony arrive derrière en disant « Attendez, oh, qui c'est qui parle de vous faire rembourser là ? Vous croyez que ça va se passer comme ça ?» Ouais, parce que hein, les gens qui ont contacté Sony, Sony, ils ont dit « Non, non, mais il va y avoir un patch plus tard, c'est bon. Ouais. » Enfin, et donc, tout ça pour dire que en l'état, évidemment, moi je déconseille très fortement de jouer à Cyberpunk aujourd'hui sur console, tout court. Les versions PS5 et Series X ne sont pas sorties, ce sont juste des versions de consoles de base qui tournent sur des consoles next-gen. Le jeu PC, c'est une autre histoire. Après, il a ses qualités, il a ses défauts. Je ne vais pas en parler, j'y ai pas joué. Il n'y a que moi ici, je crois, qu'il est en train d'y jouer. Ouais. On aura l'occasion de réaborder le jeu et de peut-être dire peut-être s'il fait des choses bien, moins bien, qu'est-ce qui réussit, qu'est-ce qui réussit pas. Mais en attendant, d'ailleurs, franchement, aujourd'hui, donner son argent à CD Projekt et dire j'en peux plus, ah, j'ai envie de jouer à votre jeu, ah, je l'ai attendu si longtemps. et quitte à bouffer de la merde, juste non, faites pas ça. Je comprends pas les gens qui sont là pour bouffer la merde et de dire oh non, mais finalement, elle est pas si mauvaise que ça, cette merde. Et même quand l'éditeur dit oui, non, mais on vous confirme, vous bouffez bien de la merde, de dire non, oh, quand même, c'est la bonne merde, quoi. Il y a les gens qui vont dire c'est ça qu'on achète quelque chose des One en se fiant à des avis. Oui, alors sauf que. Non. La version PC. Mais dans l'industrie du cinéma. Quand ton film c'est de la merde, qu'est-ce qu'ils font? Ils interdisent ou ils limitent les projections de test. Oui, c'est vrai. Là, c'était quand même le carton rouge quand tu vois que la seule version qui est testée, c'est la version PC. Tu sais d'entrée que ça ne va pas être bien. Juste d'entrée, il fallait soit annuler sa préco, soit dire bah, ah ben. Voilà, le truc, c'est que juste parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais il y a eu No Man's Sky, oui, mais il y a eu Assassin's Creed Unity. Sauf que No Man's Sky et Assassin's Creed Unity, ils n'ont jamais caché les versions aux testeurs. Jamais. Ce qui se passe là, ça n'est littéralement jamais arrivé avec cette ampleur-là, avec un jeu de cette ampleur-là. C'est vraiment inédit. Et je pense que les joueurs qui aujourd'hui sont en mode David Goodenough, il y a un moment, il va peut-être falloir se mettre à réfléchir un peu, je pense. Après, évidemment, là, ils sont rentrés dans leurs frais. Donc, c'est des projets qu'ils vont dire, après tout, à partir du moment où ils gagnent de l'argent, ils ont bien, les autres éditeurs, ils vont bien comprendre que poète-poète, c'est pareil. Mais on l'a vu avec l'histoire des lootbox chez EA ou chez Activision. Quand les joueurs ont envie de râler et envie de dire non, ça, on n'en veut pas, ça marche. Ben, ça marche. Ça peut marcher. Là, puis il y a un autre truc assez. T'as les conditions dans lesquelles a été réalisé le jeu aussi. Hein. Et après, il y a les casseroles que se coltinent. C'est des projets entre la façon dont travaillent les employés, les bonus qui leur sont attribués, les plus ou moins les polémiques que se traîne la boîte derrière. Mais bon, ça, après, moi, je ne sais pas en interne comment ils fonctionnent. Je parle vraiment là d'un point de vue juste purement consommateur et joueur. Enfin, c'est le pompon, quoi, ce qui est en train de se passer pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, que les gens aient acheté le jeu, c'est pas le problème pour moi, hein, parce que ils ont envie d'acheter le jeu, ils y jouent, mais c'est vraiment cette espèce d'essayer de s'auto-convaincre que non, c'est pas grave et tout, mais des fois, faut accepter d'être déçu, enfin, je sais pas comment dire. Ça m'arrive, hein. J'en parlerai pas, mais j'ai attendu beaucoup ce jeu et je l'ai trouvé super mauvais. Bon, j'encaisse le coup, c'est pas grave, hein. Je saurais dire exactement ce qui m'a déplu et tout, et c'est comme ça, j'ai eu tort, des fois, et je pense que c'est ça, les gens n'ont pas envie d'avouer qu'ils ont eu tort. Oui, c'est vrai, il y a ça, ouais, t'as raison. Parce que vraiment, les versions PS4, tu vois Alors la version, avec le dernier patch, j'ai vu que la version vanilla, moi. Donc je peux pas parler des patchs qui vous ont corrigé ou pas, je sais pas. Mais la version vanilla, mais sans déconner, à un moment, t'as l'impression de voir un jeu PS2. Mais sans déconner, et sans exagérer. C'est un truc de fou, quoi. Enfin. Mais t'allais dire quoi, monsieur Chou? En vrai, hein, des jeux qui ont été survendus, on a déjà vu ça plein de fois. Rise of the Robot. Oui, mais quand les gens ont acheté Rise of the Robot et qu'ils y ont joué, ils ont dit putain, voilà. C'était vraiment de la merde. Quand ça fait une semaine où non-stop on casse les bonbons avec Cyberpunk, j'ai envie de dire, mais il y a des gens de tout âge, toute chaque génération de consoles, a eu ces grosses merdes qui ont été survendues. Sauf que là où je suis pas d'accord, c'est que Rise of the Robots n'a pas eu un développement de 8 ans, pendant lequel on t'a bassiné avec une promo moitié mystérieuse, moitié ça va être génial, où on a offert des centaines et des milliers d'euros de cadeaux à des journalistes et influenceurs en leur faisant voir le jeu derrière un rideau noir en disant « Bon alors, quand tu vas sortir, t'en dis du bien, prends ton blouson, prends ta statuette, ça te va ?» Ça n'est jamais arrivé. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, on est en 2020. Maintenant, t'as tout la cohorte de cafards qui vivent en marge de cette industrie et qui vampirisent à la fois l'attention et le pognon des gens. Et ça, ça, malheureusement, il faut l'accepter. Cela faut dit, par soi-même. Point, c'est tout. Là où c'est des projets prend un double retour de bâton, c'est que non seulement les joueurs ne sont pas contents, mais aujourd'hui, on a également toutes les journalistes qui se tournent vers CD Projekt en leur disant « Vous vous êtes foutu de notre gueule. Vous nous avez caché la version PS4. Nous, maintenant, on passe pour des guignolos. » Et donc, j'espère que cette histoire va effectivement, je ne sais pas, faire changer les choses, mais en tout cas, qu'il y en a qui vont commencer à se poser des questions et que la prochaine fois que ça va arriver, quand les journalistes, effectivement, n'auront pas les versions consoles à tester, les choses seront dites de manière plus ferme que ça. Parce que le problème, ce n'est pas tant la France aujourd'hui, c'est un pays où donc on peut aujourd'hui commander un jeu sur Amazon et tant qu'il n'est pas expédié, il coûte 0€. Tu vois ce que je veux dire? Aux États-Unis, là où ils prépaient leur jeu et là où c'était effectivement trop tard pour réclamer leur argent lorsque la version PS4 a finalement été montrée au grand public. Enfin, voilà. En gros, l'idée, c'est que l'éditeur a été, sur ce coup-là, d'un point de vue marketing, je ne parle pas des équipes de développement, du boulot qui a été fait sur le jeu, je parle d'un point de vue marketing, c'est purement et simplement de la malhonnêteté. Tu ne peux pas aujourd'hui dénoncer les gens qui vendent des PS5 à 1 000€ sur le bon coin et pas dénoncer les agissements de CD Projekt. C'est la même chose, c'est le même style de personne, exactement pour moi. Ce sont des voleurs. D'ailleurs, au passage, en démat, si tu as acheté le jeu, si tu avais précommandé le jeu en démat, tu l'avais payé aussi, d'avance. Donc même en France finalement j'ai réfléchi, on avait déjà discuté de ça en off, et j'ai réfléchi après, je me suis dit ouais, ceux qui ont acheté le jeu en démat, c'est pareil, ils l'avaient déjà payé sur PS4 et tout. Après tu peux dire ça a toujours existé et choisir de pas te battre ou de faire avec ou tout ça. Ben moi j'avais envie quand même de dresser un petit coup de gueule et dire que quand même malgré tout je suis pas d'accord et j'espère qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont pas d'accord. Il y a plein, mais personne n'est d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que ça existe de tout le temps. Regarde, dans le fond, ben, il est là, lui. Lui, il est toujours là. Hein. Tu vois, ça existe de tout âge. Le problème, c'est que maintenant, on vit à une époque où tu as les influenceurs, tu as les machins, les ceci, le cela. Le problème, c'est que l'industrie, que ce soit l'industrie du jeu vidéo ou même à côté le journalisme jeu vidéo, ne se remettra, à mon avis, pas du tout en question. Hein. Pas du tout en question. Un, le jeu, il s'est vendu. Donc, en fait, l'industrie, en général, ils n'en ont, pour mon avis, rien à cirer. Et de l'autre côté, les journalistes, bah, ils font un mea culpa. Hein. Puis, bah, ils espèrent que ça passe. Puis, ça passera. On verra. On verra dans quelques mois. On verra les gens... Est-ce que les gens vont se souvenir de ce qui s'est passé avec CD Projekt? Est-ce que dans quelques mois, effectivement, parce qu'il va y avoir, une espèce de ressortie du jeu au moment où les versions next-gen vont arriver, ils vont être obligés de recréer une dynamique de vente pour les versions PS5 et Series X. Donc, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler. On a aussi l'occasion de voir les versions next-gen. Peut-être qu'aujourd'hui, les versions next-gen PS5 et Series X seront tout à fait présentables et que, sur le coup, même moi, quand elles sortiront, je mettrai mon petit billet pour tester l'expérience Cyberpunk et voir ce que ça donne. Voilà. Je rappelle, hein, juste pour... sur le site de CD Projekt, c'est toi, Appel, qui me l'avais montré en plus. C'est marqué... Oui. Jeux disponibles sur PS4, Xbox One, PS5, machin, PC, avec précisé en dessous, parfaitement jouable sur PS5 et Xbox Series. Et là, tu te dis, mais même eux, ils le disent en fait que bah, ça veut dire que le jeu, il n'est pas jouable sur les autres. c'est un aveu. Et sur le coup, on dérive sur Star Citizen. Alors, Star Citizen, encore autre chose, Star Citizen. C'est... moi personnellement, de mon point de vue, c'est vraiment une arnaque en bande organisée. Et voir des personnes comme le JDG qui poussent au cul des trucs comme Star Citizen, j'ai envie de bouffer mon clavier. Ceci étant dit, pour moi, Star Citizen, il y a aussi ce côté justement, je veux m'auto-convaincre que j'ai pas investi dans de la merde. Hein. On en vient, mais je connais moins le dossier, je peux pas parler. Tout ça pour dire que l'idée, c'est que ce soir, on a parlé de jeux auxquels on a joué cette année. Il y a plein de jeux bien qui sortent, il y a plein de jeux cool, il y a plein de jeux super sympas à faire. Et l'idée, c'est qu'évidemment, on passe, comme tu dis, Chou, il y a beaucoup de hype. L'idée, c'est que les gens ont envie de jouer à un jeu, passer la hype, c'est le moment, il faut jouer à ça. Ben là, j'ai envie de dire, sur le coup, Cyberpunk, c'est pas une bonne idée sur console. À la limite, si tu me laisses peut-être une minute ou deux, j'ai envie de parler d'un truc, moi, qui me gonfle. Voilà, mais je pense qu'on va le faire. C'est le « on te casse les couilles avec un jeu, faut que tu y joues, sinon tu passes à côté de quelque chose ». Ah oui. Alors, il y a eu Hades, on m'a pété les oreilles avec ce jeu. Résultat des courses, moi en fait, quand tu me parles d'un truc et que tu essaies de me convaincre absolument d'un truc, Moi, il se passe une chose, c'est l'effet inverse, c'est j'y joue pas. J'y joue pas parce que ça me gonfle. Et les rares fois où j'ai regardé des gens streamer le jeu, Hades, ça avait l'air d'être toujours la même chose. Ça, c'était beau, d'accord. Ok, il y a une DA. Ok, il y a une bande-son. Mais j'ai pas trouvé ça fou. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, mon feed Twitter, mes amis, il faut que tu joues à ce jeu. Donc j'ai fini par en fait leur dire, écoute, t'es gentil, mais j'ai dit à un pote par SMS aujourd'hui, t'es gentil, tu me prononces encore une fois le jeu par message ou en ma présence. Je suis désolé mon gars, mais je vais te bloquer. Quoi, mais parce que point là, dans la gueule. Là, ça commence à plein me gonfler. À un moment donné, c'était le cas avec Fall Guys. Bon, Fall Guys, c'est différent. J'ai testé une heure. C'était sympa. Une heure, c'est en moyenne de l'intégralité des joueurs de Fall Guys. Quoi. Voilà. J'ai testé l'intégralité des mini-jeux. Oui. Bon, voilà. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Je vais pas jouer à Interville pendant 200 heures. C'est rigolo une heure, mais voilà. Et moi, c'est un truc, ça, qui est en train de me casser les oreilles, c'est il faut que tout le monde, là, joue au même jeu. Il faut que tu rentres dans une case. Mais ici, t'en as rien à foutre. Tu fais comment? Voilà. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est des exigences dues au stream Twitch et tout ça, en fait. C'est dû à ça, et en grande partie, voilà, à la cohorte d'influenceurs, on en revient un peu à ce grand mal, ce grand mot, d'ailleurs, de notre époque. Mais c'est difficile, ne serait-ce qu'à chaque fois qu'un jeu sort, quand tu ouvres Twitch et que tu dis tiens, qu'est-ce que je vais regarder, et que tu vois ta colonne qui est pleine de tout le même jeu. Voilà. La sortie de Cyberpunk, c'était rigolo à voir aussi. Hein. Ouais. Bah oui. Je dis pas ça pour essayer de me démarquer ou quoi, mais quand, au bout d'un moment, t'as toujours les mêmes choses. Qu'on pète les bonbons. Au bout d'un moment, tu dis, c'est bien, le jeu, j'y jouerai dans 10 ans, quand personne n'en parlera. Peut-être personne me cassera les pieds. Peut-être je pourrai apprécier le jeu de mon côté, sans rien demander à personne. Non, parce que dans 10 ans, quand tu le feras, tu auras tous les fans qui vont te dire comment jouer au jeu. Voilà. Et là, Et ça, c'est pire. Je l'ai fait avec Dark Souls, ça, c'est pire. C'est exactement ça que je pensais, moi. Ça, c'est pire. Donc ouais, c'était aussi un coup de gueule tant qu'on en était, nos coups de gueule, nos coups de cœur, mais voilà. C'est comme avec les PS5 et la Series X, faire croire que c'est, il faut absolument acheter une PS5 ou une Series X cette année, genre il faut courir après partout. Non, enfin il y a pas. Non. Il y a encore plein de jeux PS4. Et bon, après, même si en tant qu'utilisateur, enfin je pense qu'ici quand on est trop à avoir la PS5. On peut pas. Enfin, moi, je suis plutôt content. C'est vrai qu'on va pas parler. C'est quand même les nouveaux hardware qui arrivent cette année. On va rassurer les gens qui vont pas les acheter tout de suite. Oui, on reste avec une console de jeu, c'est-à-dire c'est pas un PC, c'est-à-dire vous l'allumez, ça se lance et il n'y a pas de prise de tête avec. Même mieux, la console est extrêmement réactive. Je crois que l'appel et moi, on peut se mettre d'accord là-dessus que c'est sans doute le principal argument de vente pour moi de la Series X ou même de la PS5, c'est la fluidité de la machine. Là, ce que je disais, quand tu lances Spider-Man et qu'en fait tu lances ta partie en littéralement, tu appuies sur le bouton lancer le jeu et 15 secondes plus tard, tu es dans ta partie en train de jouer, alors que sur PS4, il fallait attendre 1 minute 30, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est des... Bon bah voilà, c'est ça. Et je vais le dire en tant que PCiste acharné et accompli, ça je l'ai pas sur PC non plus, hein, au passage. Je tiens juste à signaler. Oui, alors c'est ce que me disait Beyond, parce que tu lui avais toi-même dit. Ça je le savais pas non plus, en vrai. Que comme j'expliquais, sur PC, ils sont obligés de composer avec les... T'as des millions littéralement de configs différentes hein, en fait sur PC. Tout le monde n'a pas un SSD, tout le monde n'a pas le dernier SSD, tout le machin. Sur PS5, ils savent que tout le monde va avoir la PS5 avec le fameux SSD magique. Tout le monde se foutait de leur gueule, hein. Mais en attendant, une fois qu'ils savent ça et qu'ils l'utilisent, ça donne un truc que personne n'a sur PC à l'heure actuelle. En jeu vidéo, je parle. Ça fait quelques années qu'on entend, enfin les gens beaucoup dire les consoles, c'est juste des petits PC. Non, je suis désolé, mais moi quand je joue à la PS5, j'ai pas l'impression de jouer sur un PC. Vraiment pas. je n'ai pas les mêmes contraintes. Et aujourd'hui, en plus, il y a donc vraiment, même si on n'est pas au niveau évidemment des cartes graphiques dernier prix, mais encore une fois, l'équivalent de ce que fait une PS5 aujourd'hui, si vous voulez un PC pour ce tarif-là, vous avez la carte graphique et le boîtier qui va autour à la rigueur. Voilà. Je suis pas sûr. Ça reste quand même relativement low cost, même si 500 euros c'est une grosse somme pour certaines personnes. Dans l'univers du gaming de manière générale, ça reste une somme tout à fait raisonnable par rapport au rapport qualité-prix qu'on a dedans. Et je pourrais dire, les gens, si vous voulez attendre un an ou deux ans pour acheter une éventuelle version light, tout ça, mais on va dans le bon sens. Et vu le nombre de consoles qui ont été vendues, on rappelle 2 500 000 PS5, les jeux vont arriver, mais au galop. C'est-à-dire là, vu combien ils ont vendu de consoles, vous n'en faites pas les éditeurs. Dans 6 mois, vous avez tout qui sort sur PS5. Il n'y a pas de problème. Hein. Parce que là, par exemple, typiquement, moi, le seul jeu, à part Astro Bot, j'ai fait Spider-Man Miles Morales, c'est un jeu qui est sorti aussi sur PS4. Donc, la limite, c'est pas grave. Hein. Demon's Souls, c'est un jeu qui est sorti sur PS3. Je prends parce que je suis plutôt un peu technophile et tout machin, et puis je peux me le permettre, mais vraiment la PS5 pour l'instant, si vous la trouvez pas, en vrai c'est pas grave, hein. C'est grave. C'est assez bien, enfin, sur le coup je suppose que on va continuer à jouer, hein. Ah ouais. Voilà. Je sais pas où on va, mais on va continuer à jouer. Sur le coup, on aura sans doute encore plein d'autres histoires à raconter l'année prochaine. Ah bah ouais. 2021. J'ai pas eu le temps de tout raconter les histoires de cette année, alors. Un dernier petit mot, peut-être, si je peux me permettre. Vas-y. Ça a été dur pour tout le monde. Ouais. Ça, on le sait. Entre ceux qui sont partis, ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre, soit directement ou indirectement. Je voudrais apporter un petit mot de compassion à tous ceux qui ont eu une année de merde. Sachez que c'est dur. 2021, à mon avis, va peut-être être pire sur certains points. Ouais. Profitez de la vie tant que vous pouvez, de vos proches aussi, tant qu'ils sont là. Passez du temps avec eux, soit vos parents, vos amis, enfin bref. Puis éclatez-vous un maximum tant que vous pouvez. Allez, voilà, c'est fait. Non. Désolé. Non, au contraire, non, très bien. Tu as raison, monsieur Chou. On peut aller dans ton sens, hein. Forcément. Et je m'associe à ça, évidemment. Et sur le coup, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se dit rendez-vous bientôt. Bah, la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Voilà. Voilà. Pour vous donner encore une autre parenthèse de moments où on pense à autre chose, on parle d'autre chose. Et voilà. Et j'espère qu'on vous aura diverti et donné envie de découvrir plein de choses. Voilà. Voilà. Puis d'ailleurs, n'oubliez pas, pour passer le temps aussi, à partir du 3 janvier, il y aura la GDQ 2021. Donc, ça sera, j'espère, un bon moment. Planning est surtout. Oh, c'est ça, hein. Comment ? Le planning de la GDQ. Ouais, tout est dispo. Bref. Voilà. Commentaires, pouce bleu, blablabla, référence. Et voilà. Allez, et puis du coup, bonne fête de fin d'année autant que faire se peut. Et salut! Et des bisous! À bientôt! Ouais. Allez, salut!